Voilà, enregistrement lancé. Vas-y, pète. Ah, c'est bon, c'est fait. Si T'as tu l'as pas enregistré? entendu, c'est plutôt bien. T'as enregistré ou J'enregistre. palpé? J'aimerais tellement commencer comme ça, en fait. Crois pas. Non, mais en vrai, en plus, j'ai pété dans mon plaid, donc genre ça a compressé le son. Ouais, mais genre, même si je mets juste le... Attends, faut que je pète. Genre... Ah, je sais attends, pas. c'est... Bon, c'est pas grave. Alors, Bon, on attention, recharge la synchronisation. page Ouais, c'est pas une bonne mauvaise idée. à 30. À 30, putain. Ok. Oh putain! Je crois que je l'ai bien chopé. Qu'est-ce qu'il y T'étais à a? 30, toi? Moi, Ouais? c'était... J'ai eu un décalage abominable, là. Attends, vas-y, bah on réessaye pour 45. Attends, faut rechargeons pour 55. 50, 55, ok. Je l'ai fait un peu en avance. Moi aussi. Mais non. Bah, c'est bon alors. On refait, on refait, on refait. On Oh refait. putain. On recharge la page. On recharge la page. À 15. Attention. À 15, ok. Ah voilà, là c'était pas mal. J'ai fait le claquement le plus pété du monde. C'est pas Ça grave, fait c'est pff. pas grave, je me débrouille, je Et me j'étais un débrouille. peu en retard. Bon. Alors, attends, Alors c'est comme ça qui fait fait la très longtemps, présente? je ne sais pas. Ben je sais pas du coup, c'est Ouais, ce que je voulais dire. j'ai Je sais pas aucune qui doit idée. faire le truc. Mais Bah, tu veux que je le fasse ou tu veux le faire? bah écoute, allez, comme tu veux. Le mec, tu laisses le choix, mais moi je laisse. Bah, je Allez, vais le faire. pourquoi pas, comme tu veux. Allez, bah c'est parti. Bonjour les auditeurs, c'est Petit Bonjour, Pied, c'est le et petit Blind podcast Panda. où on est avec Blind Panda et tu sais quoi? C'est n'importe quoi ce début. Je parle en même temps que toi. Attends, on la refait, on la refait bien. On la refait bien. On est au 9e épisode, on sait toujours pas faire du podcast. Allez, vas-y, on la refait. Attends, et on n'a pas d'invité, c'est important à préciser. Ouais, mais on s'est dit, on refait l'intro. Ah, on refait l'intro carrément, mais non, Ouais, elle est parce que bien. c'était... Non, parce que je parlais vraiment en même temps que toi, ça doit être abominable. On refait l'intro. Alors attention les gens, on refait l'intro. Bonjour les auditeurs, c'est Petit Pied et je suis en compagnie de... Blind Panda, Petit... c'est moi. C'est vrai que c'est pourri de demander de dire ton prénom. Bah, ça va? Bah ça va et toi, écoute? Ça va tranquille. Étant donné qu'on s'est parlé hier, ça sert à... y a pas grand-chose à se raconter. Bah si quand même, parce que les auditeurs ne sont pas forcément au courant, enfin je veux dire voilà. C'est vrai. A priori. C'est Alors vrai que moi, c'est... ce que je voudrais préciser, c'est que déjà c'est le 9e épisode. Ouais. Voilà. Beaucoup de changements pour cet épisode parce que avant, voilà, les auditeurs s'étaient peut-être habitués à ce qu'il y ait des invités. Ah. Voilà, alors que maintenant il n'y en a plus. Oui, C'est voilà, fallait arrêter de très s'habituer à la triste. qualité. Voilà. Autre changement, maintenant on n'est plus sur Skype, on est sur Discord. Alors là, les gens s'en foutent. Mais c'est possible. Et moi, j'ai changé d'ordi, donc voilà, beaucoup de changements pour cet Waouh. épisode. Beaucoup de changements qui ne vous affectent absolument pas. Voilà, non, mais qui feront peut-être que l'épisode aura des problèmes. Ah oui, Voilà, merde. Ah, c'est. c'est con ça. Bah oui. Bah, on sait jamais. On sait jamais, on sait pas. On verra, c'est la surprise. Bref, toi, comment ça va depuis le dernier petit podcast qu'on a tourné en novembre et là, on est en février. En novembre. Ouais, bah, c'était il y a. Oh. C'était il y a. 1, 2, 3 mois. C'était il y a 3 mois, le dernier épisode qu'on a tourné, vraiment. Wow. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on s'est vu déjà, juste on s'est vu IRL. Oui, c'est vrai, C'est on pas s'est mal. vu dans la vraie vie. Ouais. Eh ben, j'ai sorti ma BD aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, parlons-en, la BD. La BD, quel objet de qualité, je l'ai entre les mains là, je peux vous dire. Je l'ai préparé avant pour vraiment en parler. Je l'ai entre les mains, vraiment, c'est un objet à se promulguer Absolument, hein, vraiment. En plus, il est très peu cher. J'ai vu qu'il y avait une ristourne aujourd'hui sur. La moins 25% qui permet de faire des économies extraordinaires. Voilà, il y a une petite ristourne sur lulu.com. Le lien sera évidemment en description hein, pour tous les détenteurs potentiels de, enfin, qui veulent en fait, enfin, les gens qui veulent acheter. Voilà, les détenteurs potentiels d'argent et qui voudraient le dépenser, ils ne savent pas dans quoi le dépenser. La magnifique bande dessinée Pan de Petit Pied aux éditions Flammarion. Voilà. Tout de suite, pour vous. Pas du tout. Non, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui l'ont acheté aujourd'hui ? Il y en a deux aujourd'hui. Mais c'est que j'ai pas gagné. Mal. Ouais, j'ai gagné un euro presque. C'est la première fois, c'est la toute première fois que tu gagnes de l'argent grâce à mes. J'en ai aucune idée. Mais c'est la première fois que je gagne de l'argent grâce à mes créations. Non, juste je sais que c'est en France. D'accord. Donc ce n'est pas, par exemple, un américain. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Voilà. Après cette merveilleuse introduction, qu'on peut continuer parce que. En fait, non, on va la continuer. Parce quoi que, en fait, on a rien dit. Ouais, on va couper. Vas-y. Et donc, sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Parce que depuis 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé d'important dans ta vie ? Je sais pas, j'ai réfléchi. Si t'as des trucs, dis-toi ce qui s'est passé pendant les 3 mois où je réfléchis. Si t'as, je cherche. Moi, j'ai commencé un petit défi personnel que je me suis fait. C'est ouais, je regarde un film par jour, au moins un film par jour. Nouveau, c'est-à-dire que j'ai jamais vu avant. Ouais. Voilà, c'est et un défi plutôt de flemmard, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas le plus dur des défis à relever. Ouais, mais c'est quand même, enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à regarder de nouveaux films, et... enfin, c'est quand même pas mal. Ouais, comme truc. Bah ouais, moi c'était justement ça en fait. Le truc, c'est que comme j'ai du mal à lancer un film que je connais pas, ouais, on est d'accord. Moi ça étant pourtant effort, cinéphile, enfin, c'est surtout quand je suis chez moi en fait, aller au cinéma ça me pose aucun souci. Mais lancer un nouveau film quand je suis chez moi, c'est comme j'ai tellement de choix, j'arrive pas à choisir, et du coup au final je mets un film que j'ai déjà vu, que j'aime bien, ce qui est relou en fait. Ouais, du coup je me suis dit chaque jour, quoi. Parce que si je me mets à chaque jour à regarder un film, si je regarde des films que j'ai déjà vu, ça n'a aucun intérêt. Donc chaque jour, je regarde un film que j'ai jamais vu. Et c'est plutôt cool. J'ai découvert des trucs cool. Vas-y, fais-nous la petite liste de Blind Panda. Ou un peu la liste de Schindler de Blind Panda. Il n'y a pas de blague à faire. Alors, attends, je vais aller sur Twitter, sur mon ordi. Je suis con, sur mon téléphone comme un con. C'est les millennials. Hein. Ah, les millennials, hein, comme dirait... Vas-y. Elle est alors, pas de souvenir de son nom. Hein. Attends, c'est Simon truc. Ouais. C'est Simon Sinek. Ah oui, voilà. Merci alors, Thomas Gauthier de nous avoir fait découvrir ce mec. Gauthier, bien sûr, évidemment. Premier film que j'ai beaucoup aimé, Ciao Pantin de Claude Berry. Excellent, avec Coluche et Richard Anconina. Hein. Excellent, ça, faut absolument le voir. Ça n'a aucun intérêt en fait, je suis en train de me dire que je raconte tous les films que j'ai vus parce que ça fait quand même non mais ceux qui sont intéressants, faut pas que tu les dises tous, si tu les dis tous c'est juste Ciao Pantin donc, de Claude Berry, vraiment très intéressant. Three Billboards, si, peut-être il passera encore au ciné quand le petit podcast sortira, donc Three Billboards, n'hésitez pas à aller voir ce petit bijou du cinéma américain, cinéma indépendant américain, vraiment très très bon. Ensuite, on a Napoléon Dynamite, donc c'est un film américain, encore une fois, qui est assez peu connu, malgré le fait qu'il y ait eu une adaptation en jeu sur Nintendo DS. Quoi ? Attends, une adaptation du film ? Ouais, voilà, du film en jeu sur Nintendo DS. Alors que le film, c'est une comédie indépendante aux États-Unis, enfin, genre, tu sais, c'est comme si tu faisais attends, est-ce que... Allez, tu as trouvé une comparaison, on a tous confiance en toi, tu veux y arriver. Mais en fait, c'est dur parce que c'est faut trouver un film pas connu, mais connu quand même, c'est horrible. Attends, d'accord. Genre un film de Dupieux, tu vois, tu fais un film de Dupieux en jeu de Nintendo DS, aucun intérêt. Enfin, Ça c'est serait bizarre. stylé de ouf. Voilà. Mais Napoléon Dynamite, très très bien. C'est une comédie un peu loufoque qui parle de plein de choses. Quoi? Ok, Enfin, je vais pas ça, vous dire juste de quoi ça coupé. parle, mais allez voir. Allez voir le film. El Topo d'Alejandro, pardon, Jodorowsky. Donc ça, c'est... Alors, Alejandro Jodorowsky, c'est un cas. Hein. C'est un cas parce que, alors, si je vais sur son Wikipédia, vous allez voir que c'est assez marrant. Alors, Alejandro Jodorowsky, les métiers qu'il exerce, il faut savoir que c'est un écrivain, donc romancier, storyteller, donc qui raconte des histoires, un poète, un scénariste et un essayiste. Il est aussi réalisateur de films, producteur, acteur de cinéma et Le mec théâtre. se fait pas chier. Voilà, il est aussi metteur en scène, monteur, écrivain de comics, musicien, compositeur de bandes originales de films. Il est aussi philosophe, marionnettiste, mime, psychologiste, Putain psychoanalyste, de merde. psychomagicien. Alors, Drautmann, je Attends, sais c'est pas. quoi? Trockman. Drautmann, drafter, Attends. on dit, alors, c'est une personne Attends, qui... c'est... F... Ah, il fait aussi des dessins techniques, c'est un peintre, il est éventuellement aussi sculpteur et gourou spirituel. Voilà, ça c'est sa fiche Wikipédia. Le mec, son CV, il fait 15 pages. Alors, mes expériences. C'est Bon, ça. vous voulez quoi? Mais en gros, Putain, ce mais qu'il attends, c'est faut... quoi le truc de drafter, là, de machin? Drafter, c'est un mec qui fait des dessins techniques. Ah, ok. Mais c'est quoi le truc Voilà. de juste au-dessus? Juste avant Drautmann, c'est drafter. pareil, c'est ça, c'est Drautmann. Ok. C'est ça. Et Et donc, en gros... psychomagicien, putain de merde. Ouais, psychomagicien, j'étais vraiment... J'étais là, wow. Ça Psychomagicien, envoie le du mec est pâté. très très fort. Enfin, voilà. En gros, c'est un mec qui... C'est un réalisateur. Il n'y a pas longtemps, il tirait les cartes de tarot dans un restaurant, dans un bar à Paris. Encore en 2014, D'accord. il le faisait. Maintenant, je ne sais plus s'il fait de ça toujours. Mais enfin, voilà, c'est vraiment un mec assez bizarre qui a réalisé pas mal de films et des grands films du cinéma. Notamment, El Topo, en fait, c'est un western ultra violent. Bah, avec plein de sang, du sexe, voilà. Et qui a une bonne dose d'ironie en fait. Genre, à un moment, t'as un mec qui a quatre chapeaux. Voilà, empilés les uns sur les autres. C'est-à-dire le Un peu film comme dans Popstar. continue. Quoi? Il y a eu la même vanne dans un autre film, qui est très bien aussi, Ah, mais ok. Popstar. C'est quel film? Mais rien à voir. Popstar, ok. Popstar avec Voilà, bon. enfin, le film des Lonely Islands. Ah, ok, bah, peut-être, je connais pas ce film. Et en T'as gros, pas le ouais, rêve, voilà, mais le c'est un mec a très bon quatre film. chapeaux sur la tête. Le film commence donc il joue le rôle principal dans le film, donc Alejandro Jodorowsky. Et le film commence, il pose son fils nu, son fils est nu, son vrai fils, hein, qui Quoi? joue son fils aussi dans le film, qui est nu, Ouais, il le vas-y. pose dans le sable en plein milieu du désert. Il lui tend un doudou et un portrait, une photo de sa mère, et enfin de la mère du gosse, de sa femme à Ouais. lui. Il lui tend les deux, il fait, Et... vas-y maintenant, fiston, tu as 7 ans, c'est là que tu deviens un homme, enterre ton premier jouet et le portrait de ta mère, ça suffit maintenant les conneries. Donc le petit, là, il enterre les deux dans le sable, ensuite il prend sur son dos, enfin sur son cheval, et là, bam, bam, c'est un western, hein, je sais pas si je l'ai dit. Il prend le Ouais. petit sur son cheval, et là ils rentrent dans son village, et là tout le monde est mort. Tout le monde est mort dans le village. C'est même plus une mare de sang là, à ce niveau-là, c'est un lac de sang. Voilà, les hommes pendus dans les maisons, les femmes égorgées dehors, etc. Et donc il va essayer de retrouver qui a fait ça. Puis après s'enchaînent les péripéties que je ne vais pas dévoiler, mais voilà. Et à un moment, on voit trois muchachos dans le désert, parce que c'est un western mexicain. Donc, trois muchachos qui sont là et qui font des trucs très bizarres. Le premier, il renifle des chaussures de femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes dans le film. Donc, il y a par exemple à un moment, on voit un ballon de baudruche, ce qui est pas du tout dans l'air du temps. Pareil, les chaussures de femmes, tu sais, c'est des genre des Louboutins qui n'existaient pas à l'époque, quoi. C'est clairement. Donc le mec, il les renifle, il commence à les lécher, à les mettre dans sa bouche bien profond dans sa bouche. Et puis après, il les aligne et il tire dessus avec son gros pistolet. Le deuxième, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une banane et il la pose en fait sur un cactus, je crois c'est ça, et il commence à bien la dépiauter. Il prend son épée à deux mains et il donne plein de coups dans la banane comme ça, fa fa fa fa fa fa. Et là, la banane est bien coupée en rondelles et c'est là qu'avec un petit cure-dent, il attrape les bouts de banane et il mange. Et le troisième, c'est mon préféré, le troisième muchachos, muchacho du coup. Il dessine une femme en fait par terre avec des cailloux et bah il fait l'amour en fait au sol à la femme dessinée en cailloux par terre. Voilà, donc c'est un film très spécial mais que j'ai Ok, qui est d'accord. quand même qui je pense est à voir. Voilà. Il y a un épisode de 2 heures de perdu sur ce film d'ailleurs. D'accord, je ne sais pas trop quoi dire. Très bien, Mais c'est ouais voilà, c'est très très spécial comme film mais c'est à voir je pense. C'est à voir. Ensuite, il y a j'ai vu je suis allé voir au cinéma à Miami qui est une comédie. Alors Ah ce qu'il y oui, a ami, pas Oui, ami. Je le dis ami pour les tiret ami. auditeurs qui Voilà, sont comme moi et qui ami. confondent. Qui confondent ouais, bien sûr. En gros, c'est étonnant parce que c'est une comédie française qui n'est pas raciste, pas homophobe, pas Sexiste. validiste. Pas sexiste? Ouais, non, il n'y a pas de sexisme vraiment dans le film. Je suis en train de réfléchir, mais non, ça va. Ça Donc va. voilà. Comment ça va? C'est pas bon signe, ça va Genre, normalement, c'est juste ça va j'en pas. trouve pas. Je trouve pas Ah ouais. d'exemple de sexisme dans le film. C'est donc. Après, peut-être que je m'en rappelle pas, mais. A priori, non. Et donc, c'est plutôt impressionnant pour une comédie française. Donc, j'étais étonné. En plus, elle est plutôt drôle. Des blagues plutôt safe. Assez étonnant. Très bien. Waouh. Sinon, Pentagon Papers, qui sera peut-être en salle encore quand vous regarderez, quand vous écouterez cet épisode du podcast, qui est très bien, c'est le nouveau Spielberg. Voilà, à un moment, voilà, faut arrêter d'être con. Pink Flamingos de John Waters. Alors ça, Si tu veux, je peux c'est le très pitcher à ta spécial. place, mais que Vas-y, avec les vas-y. souvenirs de ton pitch que tu m'as fait Voilà, c'est l'année. ça, que je t'ai fait hier. Alors, c'est une drag queen qui fait des trucs dégueulasses, et puis on le fait, hey, meuf, je suis plus dégueulasse que toi. Elle fait, wow, ça va pas du tout. Et là, elle fait des trucs dégueulasses encore plus. Et en gros, c'est ça le film. Voilà, Avec plein de trucs dégueulasses. Et c'est ouais, très dégueulasse, voilà. c'est vraiment très dégueulasse. C'est voilà, c'est mais c'est en fait c'était dans la mouvance des années 70 et des Midnight Movies. D'ailleurs, c'est un Midnight Movie au même titre que El Topo d'ailleurs, qui était le tout premier Midnight Movie. Les Midnight Movies. Alors là, je pars en chronique ciné dans le petit podcast, c'est n'importe quoi. Non mais attends, par contre, comment tu trouves ces films? Parce que genre, enfin tu dis que c'est pas Tous ces connu, films. pourquoi toi tu les connais? Ouais. Bah, en fait, ils sont connus chez les cinéphiles. Ouais, et tu trouves ça Voilà. genre sur Sens Critique, tu vas Bah, en flairer où fait, tout ça? El Topo et bah, en fait, je suis en fac de ciné, donc forcément, j'ai Tu côtoies des le monde du voilà. cinéma, ouais. Voilà, on a étudié les Midnight Movies en cours. Ça m'a intéressé. Je suis allé voir. Machin. Et donc voilà, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de Pink Flamingos, c'est qu'à la fin, la drag queen, là, la personne la plus sale au monde, mange du caca de chien. Mais c'est pour de vrai, hein, c'est pas du fake. Ouais, D'ailleurs, t'as raison. dans la scène, c'est assez marrant parce que dans la scène, il y a une voix off, et genre, la voix off, elle dit: Attention, ce que vous allez voir est la pure vérité! Et genre, on voit Divine, donc, parce que c'est Divine, en fait, qui joue le personnage principal, qui est divine d'ailleurs dans le film aussi, qui mange du caca. Et tout ça en un plan séquence pour qu'on voit bien que c'est pas du fake. On voit d'abord le chien chier en fait. Puis on voit Divine prendre avec ses mains la merde. Et la je crois qu'on a compris l'idée globalement. Avaler, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Très bien. Ensuite, bah sinon, après, c'est... Sinon, j'ai... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à conseiller. Ou très bien, c'est ce qu'à dire. Ça vous fait une très jolie rubrique cinéma. Petite rubrique cinéma. Après, si vous voulez qu'on parle plus de Midnight Movies, pas de soucis, hein, chers auditeurs. Est-ce que tu as des choses intéressantes à dire sur les Midnight Movies? Movies. Il y a. Ouais, ouais, bah, les Midnight Movies, t'en as en gros, t'en as 6, je crois. Attends, t'as que 6 films? Oui, parce que c'était des films qui étaient diffusés à minuit, mais pendant 4-5 ans à la suite. Mais tu ça, vois. Ça fait pas beaucoup, 6. Enfin, il y en a eu plus, évidemment. Enfin, les Midnight Movies, c'est les films qui étaient diffusés aux séances des minuit, donc évidemment il y en a plus, mais le Midnight Movie qui est resté il y en a 6 vraiment qui sont restés, enfin en soi il y en a plus, mais parce qu'il y a des films qui ont été ressortis pour les Midnight Movies. Ouais, ok, qui n'ont pas été voilà, pensés comme années, les qui Midnight ont été ressortis movie. Voilà, qui n'ont pas été pensés comme Midnight Movie, mais qui ont été ressortis dans les années 70 pour surfer sur la vague des Midnight Movies, notamment Night of the Living Dead de George Romero. Je pense que tu connais. La nuit des vivants, en fait. Enfin, des morts la vivants. La nuit des morts vivants. Sens... Ouais, ok, c'est ouais, ça. La oui, nuit je des connais. Morts vivants de George Romero. C'est hyper connu. T'as eu aussi Freaks de je sais plus qui. voilà. Mais vraiment, les 6 Midnight Movie, je crois que c'est... Il y a peut-être la nuit des morts vivants dedans, mais je crois que c'est El Topo, Pink Flamingos, The Rocky Horror Picture Show, Eraserhead. Ah, oui. Ouais, le Rocky Horror Picture Show, Eraserhead. Et les deux suivants, bah, je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est la nuit des morts vivants et l'autre, je sais plus. Mais on s'en fout. Okay. Bref, et Eraserhead de David Lynch. Quand même, David Lynch a commencé dans les Midnight Movies. Ça, c'est fou. C'est fou, toute cette histoire, je confirme. C'est extraordinaire. Voilà. Merci, donc, le chroniqueur Blind Panda, pour et cette... Vous pouvez voir, hein, tous les films sont soit très gore, soit très nuls, soit très bizarres. Tu n'as pas d'autre objectif, très sale. C'est bien. Voilà. Mais non, mais par exemple, The Rocky Horror Picture Show, c'est un film qui avait fait un flop monumental, qui est hyper mal réalisé, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Mais genre, aux séances de minuit, le film a eu un second souffle parce que les gens, ils se déguisaient en les personnages et ils rajoutaient des répliques au film. Parce que, genre, le film était tellement mal fait qu'il y avait des temps entre les répliques monstrueux qui faisaient que les gens rajoutaient des répliques au film. Et ils criaient ces répliques. Ils faisaient c'est un peu les nanars aujourd'hui, en fait. Ce qui se passe avec les nanars, le fait qu'il y ait une seconde vie dans la nullité, en fait. Dans ce sens-là, pas les répliques. Parce que c'était pas de la nullité, en fait. The Rocky Horror Picture Show, c'est pas vraiment de la nullité, quand même. C'est différent des nanars. C'est-à-dire, c'est des films qui sont médiocres, c'est-à-dire, ils sont pas mauvais en soi. Enfin, là, pour le coup, c'est Rocky Horror Picture Show, il est pas mauvais, en fait. Il est juste. Il a assez peu d'intérêt si tu le regardes tout seul. Si t'es tout seul à le regarder, il a peu d'intérêt. Les gens ont fait tout un show, en fait. Ils font tout un show autour de ce film. Par contre, il y a des très très bons films, hein, dans les Midnight Movies. El Topo, c'est un très bon film. Eraserhead aussi. Pink Flying Ghost est censé être un bon film, mais j'ai du mal à le considérer comme un bon film. Parce qu'il faut savoir que c'est très mal filmé. C'est très mal filmé, Pink Flying Ghost aussi, et c'est très... Bah, si c'était bien filmé, ça serait... Ouais, quoique, ça serait... Voilà. Mais ça pourrait être encore plus glauque. Très, très mal filmé. Ah oui, aussi, à un moment dans Pink Flamingos, j'ai envie de raconter ce moment. Il y a un mec qui danse et qui contracte son anus en rythme sur la musique. Et c'est très, très drôle. Ça m'a fait rire. Je confirme, c'est une bonne vanne. C'est une bonne vanne, bonne trouvaille par le réalisateur. Ouais, j'avoue. Voilà. C'était la chronique C'était très ciné long. de Blind C'était la Panda. chronique ciné. Juste pour dire que je me suis mis à regarder des films tous les jours. Tout ça pour ça. Et Voilà. Je bah. pense que je vais couper, hein, parce que. Pas Oui, déconner non plus. ouais, tu peux Hein, couper. voilà. Enfin, globalement, il y avait des trucs intéressants. Oui. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je ne sais pas. Allô? Oui, je suis là. Allô? Allô? C'est pas une très très bonne vanne, dis donc. Ok. Ah, je crois que c'était Massacre à la tronçonneuse le dernier Midnight Movies. Ok. Attends, je sais plus à quelle année il est sorti. Ouais, Je vais pas le mettre hein, dans le truc. t'inquiète. Ah, si, c'est ça, ça doit être Massacre à la tronçonneuse. De quoi on pourrait parler? Bah, bon, après, on peut parler de ta BD. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, à part si t'as des questions dessus, mais moi je. Est-ce qu'on n'appellerait pas des auditeurs? Putain, mec, on n'est pas dans le footcast, on n'a pas des auditeurs à appeler. C'est vrai, c'est Vraiment. vrai, c'est vrai. On pourrait créer un Discord, il y aurait genre trois personnes, toi, moi et genre Léna ou PL. Bisous. Donc ça fait Ok, 4 attends. déjà. Ouais, mais c'est juste que j'hésitais entre PL et Léna. Est-ce que je peux dire ma planche préférée de ta BD? Vas-y. Ma planche préférée, c'est, alors, en gros, c'est page numéro 2. Donc, Ah oui. à la page numéro 2, il y a écrit page numéro 2, et en dessous, il y a écrit trop nul cette page. Voilà. C'est ma page vraiment préférée. C'est Sinon, une j'aime bonne bien celle à vanne. la toute fin avec le petit code-barre. Voilà. J'aime bien celle-là. Elle est assez Très classique, très classieuse. très classique. Le quatrième de couverture, ouais. Je l'ai beaucoup travaillé. Bah oui, j'imagine. Attends, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Attends, mais merde, mais Allô? de comment on fait des podcasts? J'ai l'impression que je sais même plus comment on est censé faire un podcast en fait. Genre. Mais là, mais on n'a même pas raconté ce qu'on a fait depuis la dernière fois en fait. Ouais, mais genre, j'ai rien fait en fait, à part la BD. Ok. Bah alors moi j'ai un truc. Bon Vas-y. alors je te lance un petit défi. Vas-y. Petit pied. En gros, on va faire un brainstorming. Parce que voilà, moi je suis en fac de ciné. Et pour un cours, je dois écrire un scénario. Mais j'ai pas Ok. d'idée en fait. Alors je vais te donner les deux sujets que nous a laissés notre prof. Et moi j'aimerais bien qu'on écrive un peu une petite comédie, un petit court-métrage de Ok. comédie. Ensemble, c'est-à-dire, on va s'échanger des idées, un brainstorming quoi. Mais attends, mais c'est un vrai truc ou c'est genre juste Ah pour non, le c'est vraiment vrai de Ah vrai, putain. vérité. Donc tu utilises le La podcast pour vérité faire véritable. tes devoirs en fait. On est Bah, d'accord. c'est ça, j'ai honte à le dire, mais c'est ça. Après, a priori, je vais pas garder nos idées, hein, mais voilà. Attends, vas-y, j'adore les brainstorming. Donc c'est quoi les deux thèmes? Alors, en gros, les deux thèmes, c'est enfin, les deux sujets, c'est soit reste ou va-t'en. Voilà, faut Reste, prendre un de ces deux attends. thèmes, et voilà. Donc, déjà, Reste. quel thème t'inspire le plus, a priori? Reste, perso. Je Reste. préfère reste. Ouais, c'est plus positif, c'est plus. Bah Alors moi que je pensais plus va-t'en. au reste, genre les fins de d'assiette ou enfin les restes Ah quoi. non, c'est pas vraiment ça, c'est reste, R-E-S-T-E, Ah, et on n'a pas le point choix d'avoir une d'exclamation, autre donc. signification Ouais, non, dans. parce que Ah, là, il y a avec un un. point d'exclamation. Ouais, mais peut-être Donc, c'est genre reste! Y a des restes là dans l'assiette. Tu vois. Tu manges les restes! D'accord! En fait, le court-métrage, c'est juste on filme une mère en train de dire ça à son gosse pendant genre 15 minutes. Et elle insiste Non, sur le mot. c'est vraiment de la merde. Vraiment. Bon, alors en connaissant maintenant le vrai sens en fait du sujet, Ouais, reste. lequel t'inspire le plus? Reste quand même. Bah, Reste. il pourrait. Dans quelle situation est-ce qu'il pourrait rester en fait? Attends, moi j'imagine genre des personnages genre enfermés dans un endroit. Il y en a un qui veut partir, mais il faut qu'il Ouais. reste parce que je sais pas, sinon il va se passer quelque chose de grave. Tu vois. Genre un bunker Sinon, ou il un va se passer quelque sous-marin. chose. Je sais pas, Ah oui, je. c'est sûr que s'il est dans un sous-marin, s'il part, bah, il va tout simplement mourir en fait. Ouais. Mais je sais pas, c'est les Même un images qui me viennent bunker. en tête, tu vois, quand tu me dis Ouais. reste. Donc, c'est quelque chose en fait, ouais, une sorte de huis clos alors. Ouais, un huis clos avec des personnages. Un huis clos Un où huis clos personne ne sans doit personne. partir. Ouais, ou sinon C'est un huis question de clos vie ou de sans mort. personnage. Genre juste on filme une pièce pendant 15 minutes. Voilà. Alors, et bah merci de m'avoir aidé à écrire. Bon, j'aurais sûrement zéro, hein, voilà, mais merci de m'avoir aidé à écrire mon scénario. Non, pour de vrai. Non, c'est pas une mauvaise idée en soi. Un huis Les gens clos. doivent rester, mais il n'y a qu'une seule personne qui sait pourquoi ils doivent pas sortir en fait. Tu vois? Mais attends, ce serait genre faut attendre, faut Et trouver. genre, le mec doit les enfin il doit les empêcher, mais il peut pas vraiment les empêcher parce que genre enfin voilà, s'ils se mettent tous à vouloir partir, il serait par exemple 12, 12 hommes en colère, et genre il y en a un qui est contre les autres, et finalement ils retournent tous leur avis. Et à la fin, ils restent tous. Je crois. Et à la fin, ils restent tous au final. Et ils survivent. Parce qu'en fait, il y a une vague géante qui va s'abattre sur la ville. Parce que il y a des satellites. Je suis en train de faire un mélange de plein de films. Parce qu'il y a des Ouais. satellites qui contrôlent la météo, Putain, je l'ai pas qui vu sont celui-là, genre. cassés. Vas-y. C'est Geostorm. C'est magnifique. C'est l'air nul. C'est ignoble. Voilà, mais mais putain, c'est la première fois que je suis allé voir un vrai nanar au cinéma. Genre, Ah, je suis mais. allé voir et c'était un C'est ce... vrai Attends, c'est nanar. celui avec. Attends, c'est C'est-à-dire Rock? que. The Rock? Non, c'est pas Non, The non, non, Rock pas du dedans. tout. Non, c'est des acteurs absolument inconnus. Je crois qu'il y a un acteur connu, mais je sais plus qui c'est. Enfin, bref. Enfin bref. Non, mais il y a un Oh, on a moment dit en qui est même temps. absolument magnifique dans ce film Geostorm. Il y a un moment qui est magnifique. Genre, t'as le méchant en fait qui poursuit les gentils. Les gentils sont dans une voiture et le méchant il explose la voiture avec son bazooka, la voiture des gentils, où les gentils sont censés être évidemment, mais voilà. Et ce qu'il fait, c'est qu'il explose la voiture fait un quadruple tonneau en feu, elle explose 14 fois. Et le mec sort son flingue, le méchant sort son flingue et avance à petits pas, le flingue pointé sur la voiture au cas où il y aurait un survivant. Ce qui est absolument impossible. Hein. La voiture a explosé vraiment 14 fois, elle est en feu, le C'est très peu bazooka sur la gueule, probable. elle a fait 36 tonneaux. Voilà, et c'est vraiment. Je me suis marré à ce moment-là parce que c'était drôle. Ouais, attends. Mais sinon, on pourrait faire un truc genre, c'est un méchant de film, genre un peu comme tu viens de dire là. Et genre, en gros, t'as les gentils, Ouais. ils sont là. Et genre, en fait, genre le méchant, il a plus de moyens de les empêcher de partir et il leur demande de rester, tu vois, parce que sinon, ils se sentent seuls ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, Genre, genre non, mais. le genre il a plus de menottes ou quoi pour les Ouais, attacher, il fait voilà, non mais j'ai. s'il vous plaît là, sinon je peux pas faire mon boulot. J'ai un C'est trivial hyper bonne poursuite. idée. Un Scrabble. Qu'est-ce que. À puissance 4, si vous voulez. Et je fais exprès de perdre, si vous voulez. Vous avez j'ai un envie? Uno, j'ai un Uno. Les gars, attendez, attendez. On peut négocier. On peut négocier. Qui veut du chocolat? J'ai des Kinder. J'ai des Kinder. J'ai tout ce que vous voulez, les gars. Ah Ouais, c'est ouais, attends, c'est c'est pas con. stylé. Et C'est genre, pas ce con. serait Genre, juste une mais liste d'activités un peu nulles. le mec, il veut les retenir, genre. Mais comme il a pas de. C'est un méchant, tu vois, qui a capturé des gens. Et genre, comme il a pas de cachot ni de trucs pour faire du mal, en fait, il essaye de les retenir, mais en leur donnant des trucs bien. Mais si vous voulez, je vous fais un massage. Ah oui, Un ouais, je petit vois l'idée. massage. Je fais super bien les massages. Moi, je pensais plus à deux trucs, genre en mode Genre. Genre, par Genre, c'est exemple, des genre, nazis. il est... Attends. Quoi? Des nazis. Non, mais... Le contexte, c'est pas important, non, mais genre... Attends, je pensais plus à un truc, genre, en mode... Genre, le... Tu vois, genre, le méchant. Genre, il a un flingue, il essaye de tirer sur quelqu'un en mode, il va le tuer. Et en fait, il se rend compte qu'il n'y a plus de Ouais. balles. Ce qui fait que les autres, en fait, Ah pourraient se oui. casser. Et genre, il fait, non, mais attendez, mais... vous pouvez rester parce que... Et après, là, il fait le nazi, tu vois. Ah Tu vois ouais, ce que pas je veux mal, pas dire? mal. Genre, en mode, c'est Genre, un vrai méchant, ça mais... commence dans la pleine en pleine action. Vraiment genre en mode vrai film d'action et tout. Lui je vais buter, vous allez voir parce que je suis sérieux. Et là il fait clic. Ah, ah merde. Et les autres ils font Ah ah mais on ouais. peut se casser en fait. Non mais attendez, non mais attendez. Et genre à la fin il fait Genre, genre mais en ouais, fait c'est genre juste il que je me court. sens seul en fait en ce moment et j'ai besoin de compagnie quoi. J'essaye de tuer des gens pour m'occuper, Genre c'est chiant vous savez. Non, Et mais moi je parle ouais. limite, je préférais qu'il donne pas d'explication, juste il veut qu'il reste. Genre, ou alors, non, mais attendez, j'en ai pour Non mais à deux la toute fin minutes. en fait qu'il explique tu vois. Parce qu'il faut une chute un peu tu vois. Genre mode... Non, Tu vois ce que je veux dire? pas de chute. Pas de chute. Juste un cut à la fin. Ouais, mais non, tu sais que les chutes. Ça, j'ai un truc marrant à Vas-y. raconter. C'est qu'en gros, j'ai un prof qui nous a dévoilé une liste qu'a fait le festival de Clermont-Ferrand, qui est un festival de court-métrage, qui est le plus gros festival de France de court-métrage. Ouais. Et en gros, ce festival a fait une liste des thèmes ou des trucs qui, quand c'est dans un film, le film est éliminé d'office. Et donc, il y a des trucs. Et c'est Ah. genre, c'est dans un rêve depuis le début et des trucs comme ça, je suppose. Enfin, c'était un rêve depuis le Voilà. début. Ce genre de truc. Par exemple, t'as les clowns et plus généralement l'univers du cirque. Ça, Ouais. ils éliminent. Bah attends, c'est quoi? Je vais prendre que les trucs. Attends, comment ça? Ils ont éliminé ça? C'est Ouais, quand ils même un bon éliminent dès qu'il y film. a des clowns ou. Ouais. S'il y a des clowns ou l'univers du cirque, ils. Non, mais tu vas voir, la truc, elle est abusée, hein. Genre, par exemple, l'abus d'armes à feu. Ça, c'est vrai que, genre, dans les courts-métrages, avec des armes à feu, les mecs ont tendance à toujours en faire trop. Des enfants ou des vieux en personnages principaux. Je sais pas si t'as remarqué, mais souvent, en fait, dans les Des vieux en courts-métrages, personnages Ouais, principaux. il y a des enfants ou des vieux qui. Et du coup, c'est plus touchant, un enfant ou un vieux en personnage principal. C'est tout de suite plus J'avais jamais fait touchant attention. Ouais, et d'accord. voilà. Et tu vas voir, enfin, je sais pas. Regarde par exemple, genre les films du Nikon Film Festival. Ouais. Je pense qu'il y en a aucun qui n'a aucun truc de la liste. Voilà. C'est globalement. C'est très médiocre, hein, les films du Nikon Film Festival. Hein. Voilà, je mets les pieds dans le plat là. C'est très Tu médiocre. n'hésites pas. Voilà, je n'hésite pas à C'est dire ça, que c'est c'est aussi de la ça le merde. petit podcast. C'est C'est on aussi dit les ça, on choses. dénonce, on est subversif. Donc voilà, Subversis. Attends, faut continuer au bad quand subversif, même. Surtout subversif, grâce au c'est vrai. bad. Voilà, on est Et donc tu subversif. disais? Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, allez voir dans les précédents épisodes. Le 8. Voilà, sinon, il y a les nez qui saignent, un nez qui saigne, tu vois. Genre. Quoi? C'est quand même ultra précis comme cliché, mais ouais. Mais oui, mais dans tous les films, genre le mec, à un moment, il a le nez qui saigne, ou la meuf. Genre, hop, et ça veut dire. Tu sais, il y a un truc. Je crois que c'est le nez qui saigne quand il y a une émotion forte. Quand Voilà. il y a que dans les Ah mangas non, où il non, y a ça. putain, j'ai confondu deux trucs. Non, ouais, non, c'est le nez qui saigne, voilà. Le nez qui saigne. Ça, c'est éliminé, genre, voilà. Une cage d'escalier filmée en plongée ou contre-plongée. D'accord, c'est quand même, c'est vraiment ultra précis comme critère, mais genre Mais aussi mec, comment parce tu veux que. filmer un escalier, genre tu filmes genre face, mais tu Mec, vois pas tout tu l'escalier. sais, depuis les cages d'escalier où t'as les personnages qui tournent autour de la Ah caméra, ouais. genre, tu sais, ce genre de plan qui est horrible, t'en as marre, enfin, tu le vois dans tous les films, c'est insupportable. T'as aussi le violoncelle. Attends, l'instrument, le violoncelle. Le violoncelle, peu importe s'il y en a un personnage qui joue du violoncelle ou la musique en fond, c'est du violoncelle, ça, ils éliminent immédiatement. Parce que voilà. T'as les films dans lesquels une voix off explique ce qu'on voit déjà à l'image. Et ça, vraiment, je t'assure, va voir le Nikon Film Festival, il y en a plein. Il y en a, mais une tannée. Ouais. C'est une tannée, ce truc. Le film, ça se passe durant un anniversaire ou Noël. Ok. Voilà. Il y en a qui me fait marrer après, c'est le prénom Antoine. Voilà, le prénom Antoine. Ne t'appelle pas Antoine, s'il te plaît. Voilà, c'est le mec qui réalise un film, il s'appelle Antoine, il est éliminé. Il y a un personnage qui vomit quand il a une émotion forte. D'accord. Ah oui, ok, ouais, je vois l'idée. À la cité de la peur, un peu. T'as un personnage qui raconte tout au téléphone, genre il raconte tout ce qui se passe, genre il fait ouais, non mais hier machin, genre il fait l'exposition mais au téléphone. Ouais, je vois l'idée. Voilà, ça ils éliminent immédiatement. Les éclipses, je fais une blague de chroma là. Les ellipses abusives au moment des scènes de sexe. Genre les personnages vont faire l'amour et là, ellipse, ils sont en train de remettre leurs chaussettes. Genre. Ouais. Voilà, absolument magnifique. Les poissons rouges, donc ça c'est les vraiment poissons, très c'est... précis. Les poissons vraiment, rouges, vraiment on dirait une liste de fétichisme très précis. C'est en vrai, genre tu mets ça dans un film, tout ça dans un film, ça serait stylé. Alors tu t'essayes de tout combiner. Ouais, mais évidemment, on y a pensé, mais ça a l'air d'être chaud. Ouais, ça a l'air d'être chaud, et surtout, ça risque de pas faire un très bon film au final. Ouais, ça risque de faire du coup un très mauvais film. Pour le coup, puisque c'est des trucs qui sont a priori très mauvais. Ensuite, t'as des films avec des acteurs de théâtre. C'est vraiment ultra précis comme truc, putain. Mais oui, parce que c'est vrai que les films où les acteurs ils viennent du théâtre, ça se sent. Mais c'est surtout en fait, c'est une liste de ras-le-bol en fait qu'ils ont fait. Genre, ils envoient tellement des films que voilà, ils se disent ça, c'est des fausses bonnes idées, les gars, c'est nul, ça pue la merde. Ensuite, t'as l'équipe de tournage qui se montre volontairement ou involontairement. Donc involontairement, vraiment là, les mecs sont vraiment pas compétents hein, à ce niveau là c'est vrai que l'équipe de tournage qui se monte volontairement, bah, c'est la fausse bonne idée hein, typiquement la fausse bonne idée en fait. Ensuite t'as les films gag, genre les sketchs en fait, les films où genre t'as un film et à la fin il y a une chute et c'est un gag, c'est juste une blague le film. Donc, ça me saoule. Okay, je vois. Ensuite, t'as les personnages qui se lèvent en fracassant le réveil. Hein, donc, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Genre, est-ce que le personnage se rachète un réveil tous les matins? ça n'existe pas. C'est complètement ensuite, fond. Il y a Jean-François Galotte. Donc voilà. Genre, je trouve ça marrant. T'as pas le droit d'appeler comédien. C'est un acteur. Et genre qui à une époque acceptait tous les courts-métrages, il acceptait, il jouait dedans. Et du coup, il voyait trop cet acteur et ça les saoulait. Du coup, voilà, il n'accepte aucun film avec Jean-François Galotte. Je ne sais pas qui c'est, vous pouvez aller chercher. Putain, le pauvre. Ouais. Ouais, le pauvre. Ensuite, il y a les films tournés pour faire le buzz. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais voilà. Ah, ils aiment pas le buzz. Les films viraux un peu. Ouais, non, mais les films viraux genre exprès pour que les gens retweet machin. Ensuite il y a un personnage qui se sent pas bien, qui est dans sa baignoire et qui met la tête sous l'eau. Genre vraiment, je sais pas si c'est vraiment ultra précis comme truc. Mais c'est parce qu'on voit vraiment ça dans plein de films. Je vois plus le truc du lavabo perso, genre la tête dans le lavabo, mais ouais. Ça marche aussi, mais genre voilà. Ensuite t'as les films de braquage qui tournent mal. Oui bah si un braquage tourne bien aussi, ça fait pas un film. Voilà. Ensuite, t'as les films de fin du monde. Ça fait un film quand même. Oui, ça fait complètement un film, mais oui. Les films de fin du monde. Ouais, classique. Les petites musiques au piano quand c'est triste. La tristesse sinon? Voilà, bah il y a plein d'autres moyens. Hein. Regarde. Oui, c'est ça comme ça. Voilà, les mecs, ils sont vraiment là avec la petite musique au piano. Pour tirer la larmichette, c'est bon. Et enfin, le dernier truc de la liste, c'est les flares. Ah oui, c'est les petits faisceaux de lumière qu'on voit à l'image. Donc ça les saoule, les flares. C'est vraiment, tout le monde fait ça. Donc voilà la liste des trucs que le festival de Clermont-Ferrand ne veut plus voir. Et donc en fait le problème avec enfin tu vas parler de la chute au début, c'est que genre si on fait la chute genre en Voilà, mode le... le mec se dit genre en fait je suis Voilà, juste seul, c'est un ça fait sketch un en fait. peu ouais, ça fait un peu un Voilà. Et comme film quoi. c'est le même prof qui me dit ça et qui me, enfin qui m'a donné ce devoir et qui a donné cette liste, à Oui, pourri, on je vais imagine essayer de qu'il y a un respecter la lien. liste. Hein, je vais Ouais, essayer de enfin respecter. de Bon, oui, alors, de pas la suivre. pour le coup, prendre des acteurs de théâtre, a priori, ça, j'aurais pas besoin de faire attention à cet aspect. Mais voilà. Ça devrait aller. Pareil pour les Alors, petites musiques. ouais, donc attends, pour revenir au court-métrage, genre pour le moment, on a genre un méchant qui arrive plus à retenir les gentils, donc essayer de le retenir avec d'autres trucs. Et comment genre Voilà. ça pourrait genre se développer, tu vois, parce que ça fait une vanne genre de 3 minutes, le temps de développer le début, l'intro, l'exposition, puis après mettre en place le truc de il y a plein d'activités, et après il faut développer d'autres trucs, tu Moi vois. j'aimerais bien faire, tu vois, genre juste faire durer le truc. Genre indéfiniment, un peu comme une sorte de... Non, mais genre vraiment faire durer le truc. Genre, c'est un peu ce qu'il y a dans Napoléon Dynamite, dont je parlais tout à l'heure. En gros, les gags, ils durent des plombes. Genre, par exemple, il y a une scène où le personnage principal essaye de donner à manger à son lama. Et ça dure des Ouais. plombes, en fait, il prend des cuillères, il tend comme ça à son lama, et pendant des plombes, il fait « Allez, mange, putain! Mange, mange! Ouais. » Et ça dure des plombes, et je trouve ça hyper drôle. Un peu à la Monsieur Fraise en fait, genre étendre le truc tellement que ça devient drôle par la longueur que ça prend en fait, et par la répétition. Peut-être, ouais, un peu comme ça, ouais. Ouais. Ou Mais la sinon on Dupieux, peut... en fait, c'est un peu ça, Dupieux. Ouais, enfin j'ai jamais ri devant un Dupieux, mais oui. T'as jamais ri devant Dupieux? Ouais, mais mec, on n'est pas Putain, pareil, je suis désolé, je te plains tellement, je te plains tellement. mais... mais en fait, moi je Mec. pensais plus genre à faire un truc un peu à la sketch de... Comment il s'appelle? Adrien Méniel et Vincent Tirel. Genre la liste des... Genre quand ils font... Attends, je sais plus comment ça s'appelle le sketch, mais... Genre quand ils font une sorte de truc de liste de super-héros. Enfin pas de super-héros mais de films d'action, tu vois. Quand ils créent l'équipe de films d'action. Je sais pas si tu vois le sketch. Ah Attends. ouais, mais le but c'est pas de faire un sketch après, hein. Ah oui, c'est pas... Ah oui, c'est un court-métrage de Et comédie. oui, C'est c'est un complètement court-métrage. différent. Et je vois pas du tout la différence, mais ouais. Y a À pas, part que tu vois genre pas la ça doit différence entre rester... un sketch et un court-métrage? Bah un court-métrage de comédie, je sais pas, genre... Les deux buts, c'est un truc court qui fait... À part, il y a un côté plus intello l'un dans l'un que de l'autre, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de Non, différence. rien à voir. Mais non, Mais... la différence, c'est qu'un sketch, ça dure. Déjà, au niveau de la longueur, c'est pas pareil. Enfin, un court métrage, ça peut durer 15 minutes, tu vois. Tu vas pas faire un sketch qui Ouais, dure 15 c'est minutes. vrai qu'il y a la longueur. Parce que, par Et exemple, genre... un sketch, Vas-y. c'est t'as une situation et après une chute. Souvent, c'est ça. C'est vraiment ça un Ouais. sketch. C'est un film gag en fait. C'est quand tu vois par exemple les films de Golden Moustache, etc. C'est vraiment genre. C'est un sketch, soit c'est une parodie, soit t'as une situation et c'est avec une chute à la fin qui est marrante. Mais c'est pas. C'est quoi la différence entre un sketch et une Bah, comédie? c'est vrai que là en fait la durée, genre enfin je pense que c'est surtout ça, c'est genre la durée t'oblige à aller au-delà enfin de genre augmenter la vanne dans une histoire en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre t'es obligé Ouais, d'avoir c'est une ça, histoire un peu ouais. cohérente et d'avoir un truc avec des personnages avec une évolution potentiellement. Et genre, enfin, ça peut amener Ouais. d'autres choses que juste bah, une vanne, quoi. Une vanne, ça va être forcément un sketch. Enfin, le truc, je pense que c'est surtout qu'un sketch peut être un court-métrage de comédie, mais un court-métrage... Attends, je sais pas dans quel sens c'est. Genre, attends, oui, voilà, c'est que... Un sketch, ça peut être un court-métrage de comédie, mais un court-métrage de comédie, ça peut pas être un sketch. Ou... Ouais, non, non, cette phrase n'a aucun Ouais, sens, donc plutôt non. Enfin, bref, non, tu vois l'idée, plutôt quoi. un court-métrage, ça peut être un sketch. Non, en fait, Ouais, c'est je tout sais ce pas que dans j'ai quel... dit. Mais tu vois l'idée, quoi. Oui, ouais, je vois. Ouais, non, si un sketch, ça peut éventuellement. Oh, horrible, qu'est-ce que. Alors, attends. Attends, oui, on est On peut d'accord qu'il y a un truc à tromper faire. mille fois une personne. On ne peut pas Non, tromper une attends, fois non. Non, mille on peut personnes. tromper mille fois mille personnes. Non, non, attends. On peut tromper une Attends. fois mille personnes, c'est ça. Mais on ne peut pas Une fois, tromper mais... une fois mille personnes. Ah, si, si, on peut. On Non, peut, attends. pas. Si on peut, oui, si on peut. On peut le faire. Mais par contre, mille fois, on peut pas tromper une personne. Voilà. Bon, moi je crois qu'on va abandonner l'idée d'écrire ce sketch, hein. Ça, c'est ce Mais en vrai, il est court-métrage. stylé. Ça serait stylé. Genre plein d'activités. Et il faut juste trouver un développement, tu vois. Un truc qui fasse genre... Ouais. Une sorte de... qui amène vers quelque chose de plus intéressant. Bah, que les personnages acceptent de rester, tu vois. Et genre, ils fondent une famille, et ça finit... et ils créent une sorte de tribu dans la cave du méchant. Ou genre, Genre une juste un petit... fourmilière, enfin, je vois une. De plein d'humains dedans. Et ils sont tout petits, Ouais, parce une qu'ils doivent colonie prendre moins de quoi. place, parce que la cave, elle est petite, donc forcément, ils deviennent tout petits avec le Donc ça temps. devient des nains. Ouais, des tout petits... Enfin, des... Ouais, plutôt des genre tout petits, ouais. Des gens Et tout petits, des après... hobbits. Ouais, des... Non, plus petit que ça, vraiment, genre... Ah ouais, Genre putain, 50 comme Tom centimètres, tu Pouce, vois. enfin, ou l'autre là, comment il s'appelle, putain, le dessin animé avec un homme tout petit là. Georges. Je sais plus quoi. Un dessin animé Tu avec connais un pas? homme... Et qui s'appelle Mais oui! Georges. Mais oui, je sais Un pas ça dessin... s'appelle. Attends, J'ai pas du dessin. tout la ref. C'est Georges Rétréci. Connais pas du tout. Enfin bref, j'étais plus Mais dans un si, délire c'était genre un dessin chéri animé rétréci tes petit. gosses, mais ouais. Oui, ou Enfin chéri, pareil. j'ai rétréci les gosses plutôt. Ouais, voilà. Exactement. Et bah d'accord. Ouais. Pas mal, pas mal. Ça devient un peu n'importe quoi, mais pourquoi pas. Finalement. Ouais, en vrai, ça ferait juste un bon sketch. Ça ferait pas un bon court-métrage de comédie, notre idée. Oui, voilà. Enfin, non, surtout que ça part en couille à la fin, mais. Oui, non, faudrait pas faire la fin. La fin, c'est vraiment une mauvaise Et idée. Mais... les gens deviennent tout petits parce qu'ils vivent dans la cave du méchant. mais T'imagines, tu t'écris présentes juste ça ça à la à un fin, tu sais, producteur, genre... genre. Quoi? Et genre, vas-y, maintenant, mise en situation, je suis un producteur, essaye de me vendre ton scénario. Bonjour monsieur le producteur. Écoutez, j'ai pas beaucoup de temps là, si vous pouvez faire vite. Et je vais faire vite. Alors Alors, l'idée, c'est que, en oui. fait, c'est un film d'action. Voilà, c'est un film d'action. Enfin Un non, film c'est un d'action? sketch. Un Non, c'est court-métrage un d'action? sketch. Il y a un film d'action D'accord. dedans. Et en gros, il y a des D'accord. gentils. Et il y a Alors, le du coup, méchant. c'est comédie ou film d'action? C'est une comédie. Mais ça ressemble... Au Une début, on fait, comédie. oh, mais c'est un film d'action. Mais en fait, non! Boum! C'est une comédie. Et donc, il y a le méchant, il fait hey, il les empêche de partir, les gentils, avec un flingue. Mais en fait, le flingue, il a plus de Alors, balles. attendez, attendez. Ça commence comment le film? Le film commence comment? C'est comme un film d'action, avec une scène un Oui, peu de mais comment? tension. Quel est. Quelle est la Quelle est. situation principale, la situation de début? La situation de début, c'est le méchant, il empêche les gentils de partir parce qu'il a un flingue. Et s'il tire, il peut les tuer. Donc, c'est un peu dommage de D'accord. Ok, mourir. j'ai la situation. Donc on commence en plein milieu d'une action. Donc c'est un flashback, c'est Ah ça? oui, c'est un sketch. On peut appeler ça un sketch, monsieur. Non, mais est-ce que c'est un flashback, la situation dans laquelle ils sont? Bah, si vous voulez, mais c'est vraiment un flashback d'absolument d'aucune autre scène. Donc c'est pas Donc ce vraiment un n'est pas un flashback. flashback. Non. D'accord, c'est pas un flashback. D'accord, donc ça Et commence en pleine donc, action. ça commence en Oui. pleine action. Le méchant menace, mais on se rend compte que le méchant n'a plus de balles, ce qui fait que les gentils peuvent D'accord. partir. Mais le méchant. Oui. En fait, il veut que les gentils restent, donc il leur propose une multitude d'activités telles qu'un triathlon, un trivial poursuite, de la pétanque, de l'équitation et autres D'accord. sports et divertissements, afin qu'ils restent. Ouais. Alors, où sont les blagues là-dedans? Parce que donc les gens Alors, font de c'est un... l'équitation et un trivial poursuite, c'est ça? Ah non, ils refusent. Oh, ils font Ah, non, ils non, refusent, d'accord. Et parce que donc ça, c'est voilà, drôle? c'est. Ah, mais parce que le méchant, il en devient ridicule, en fait. Par la demande. D'accord. Et le film se termine comment donc? Alors, c'est un sketch, c'est pas un film. Et il Le se sketch, termine. alors, pardon. Alors ça se termine Et avec un excuse-moi, bandeau moi noir. je produis des films, hein. Je produis pas des sketchs. Ah oui, mais c'est Si on vous peut n'êtes appeler ça pas aussi un Golden petit film. Moustache, d'accord, un court-métrage. Un court-métrage, ouais. Un court-métrage de comédie. Bah Et donc voilà, un film donc. Film. oui. Et Le donc film se là on a termine un comment sketch. donc? Donc là à la fin on a un écran noir avec Et s'il écrit vous plaît, en... tenez-vous bien. Désolé. En lettres Cigarette? blanches. Non, ça ira. C'est écrit en lettres blanches qu'en fait après les gentils ils ont accepté de faire de l'équitation et qu'après ils deviennent une grande famille avec le méchant et qu'après ils commencent à tous copuler ensemble à faire une grande famille et au fil des générations en fait les gens rétrécissent et ils vivent tous à l'intérieur à l'intérieur de la cave ce qui fait qu'ils deviennent Excuse-moi, tout petits. j'écoutais pas. Est-ce que vous pouvez répéter j'écoutais pas, je pensais à autre chose. Est-ce que vous pouvez répéter la fin? Donc c'est un écran noir et il y a écrit en lettres blanches que les gentils acceptent l'équitation, ils sont avec le méchant, ils copulent, famille, et ils deviennent tout petits dans la cave. Vous D'accord, avez donc écouté cette fois? oui. Et comment ils deviennent petits en fait? Bah, au fil des générations, parce qu'en fait, si on suit ce que dit l'évolution, c'est plus une espèce évolue dans un petit endroit, plus elle a la chance de devenir petite, puisqu'il y a peu de ressources. Et comme dans une cave, il y a très peu de ressources, ils deviennent tout tout petits. D'accord, donc votre film est aussi un film fantastique. Non, parce qu'en fait, vraiment, c'est... Enfin, si, mais juste dans l'imaginaire, étant donné qu'on fait que l'écrire, il n'y aura pas d'effets spéciaux ou quoi que ce soit, c'est juste à la fin, il y a écrit ça. À la fin, il y a écrit ça. Bah, écoutez, Sur je un pense écran que noir, je ne vais écrit pas, en je ne blanc. vais pas, je ne vais pas retenir votre film, hein, qui est clairement une merde. Merci, ça Hein, fait allez plaisir. voir chez d'autres producteurs là, parce que nous on a un standing, d'accord? On produit des films qui vont à Cannes. On produit pas des sketchs pour le studio Bagel, d'accord? Je comprends. Qui Je plus est, comprends votre les... sketch n'est pas drôle. Oui, Pardon. je l'ai bien remarqué. Au revoir. Excusez-moi, j'appelle ma secrétaire. Oui, est-ce que tu peux venir chercher le. Comment c'est votre nom? Monsieur Petit Pied. Monsieur Petit Pied, est-ce que vous pouvez venir le chercher dans mon bureau? Voilà, et Oui, l'accompagner dans j'arrive. la sortie. Très bien. Monsieur, Je vous ne vous parle pouvez pas, me monsieur suivre? Monsieur Petit Pied. Monsieur Petit Pied. Oui. Arrêtez de d'essayer d'imiter ma. Alors vite là, Oui, désolé, il c'est commence à juste faire des un bruits de. réflexe. Il fait des. Chut, désolé. Il commence à faire des bruits d'otarie là. Donc si vous Désolé, pouvez c'est juste. vous dépêcher. Oui. Vous parlez à Ah, votre merci. secrétaire? Merci, Catherine. Merci. Au revoir. Au revoir. Non, désolé, Est-ce c'est que à vous moi, pouvez désolé. ne pas me couper quand je suis au téléphone? Ce serait sympa. Désolé, mais c'est juste que Monsieur, je moi je sais vais vous pas griller si. dans le métier. Je vais vous griller dans le métier. Non, mais c'est. D'accord? Non, mais c'est juste que je sais pas si vous parlez à Catherine ou à moi, en fait. Ben, C'est je juste parlais ça. à ma secrétaire. À Catherine. Catherine, oui. Est-ce que je l'imite bien ou pas? Bah non, vous l'imitez très mal. Ah. D'accord. Elle vient me C'est bien chercher? ça le problème. Oui, elle vient, c'est juste qu'on est dans. On a un grand bâtiment. Enfin, tout vient d'être tout juste rénové, donc on est sur des kilomètres. Elle va Très arriver dans quelques intéressant. instants. Enfin, vous avez vu, hein, en venant ici. C'est un joli tableau que vous avez là. Ouais, Je ne vous parle d'accord. pas, je ne. Ouais, Je j'ai suis en pas train de de travailler, s'il problème. vous plaît. Je vais aller m'asseoir dans le coin. Oui, s'il vous plaît, ce serait mieux. Ouais, très bien. C'est un grand bâtiment, hein. Dis Oui, donc. il est tout neuf. Ah, on dirait même qu'il y a de l'écho un peu. Écho! Co, co, co, co, co, Oh, co, monsieur, s'il vous co, plaît. co, co, co, co. Vous avez vu, je fais bien l'écho, C'est bon, je pense hein. qu'on peut arrêter notre impro de merde. Ouais. Elle était home. Si la fin était stylée. La fin était stylée. Le début était merdique, mais la fin était stylée. Ah ouais, tu trouves? Moi, je Ouais, trouve que tout franchement. était merdique. Ah, Non. j'ai du mal à me remettre dans le mood Ouais, parce que c'est j'ai horrible à l'impression que c'est faire. pas drôle là, ce qu'on fait. Ouais. Et le mieux, c'est quand même de le faire en face à face. C'est chiant de tourner à distance, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas drôle ce qu'on fait. Mais pourquoi on arrivait à être drôle au début, putain? C'est Parce qu'on terrible. prévoyait des trucs. Ouais, en fait, c'est peut-être pas si mal qu'on prévoit des trucs au final. Ouais. Putain, on est dans un cercle vicieux. Peut-être pas, Ouais, en fait. c'est. Oui, Ah, si, c'est on est dans un horrible. cercle vicieux. Parce que plus on prévoit, plus on peut faire des trucs stylés, mais en même temps, plus ça casse la magie du podcast. Ça cache le côté un peu imprévisible du truc. Mais ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si on va le sortir celui-là. Bah attends. Dis-moi, tu penses Quoi? quoi de notre podcast? Bah moi j'aime bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Enfin, genre, comment genre arriver à se renouveler? Parce qu'aujourd'hui, genre, on fait un truc qui est pas du tout original, genre. Fait juste parler en fait. Genre c'est pas fou. Ouais, c'est vrai. Et on fait. Mais comment genre arriver à faire un truc qui à la fois est genre pas trop compliqué à faire. Parce qu'on pourrait aussi faire genre comment on appelle ça? Le truc là. Genre le truc que Cyprien fait et Antoine Daniel. T'as le truc en tête? Une fiction audio. Mais elle a une fiction audio, tu vois, on pourrait faire des trucs plus travaillés mais en même temps. Ouais. Enfin, je sais pas. Il y a plein. Enfin, et genre, ce qui est fou avec le truc d'audio, c'est que genre, on peut faire vraiment plein de trucs. On peut faire des Ouais, impros, on peut. genre. On peut faire des décors de ouf, tu vois. Genre là, on a fait un bureau qui fait des kilomètres et des kilomètres. Ouais. Et genre, c'est stylé de Impossible. ouf. Mais on pourrait jamais faire ça dans la vraie vie, et là, on peut le faire. Et tu vois, genre, il y a plein de possibilités. En même temps, c'est complètement flippant d'avoir plein de possibilités. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, moi ouais, je pense que là on peut-être on arrive au bout de ce qu'on est capable. Peut-être on devrait juste enfin je crois qu'on a Ouais, c'est. perdu l'essence de ce qu'on là en tout cas là Ouais. cette fois ça marche pas, ça a pas marché. Ouais, y a Je plus pense, je sais pas si l'étincelle. tu l'as pas senti. Ouais, C'est pas non, mais il y l'étincelle, a. c'est Oui, y a plus la flamme qui brûle. Y a. Peut-être notre amitié est Non, finie, c'est en pas ça. fait. Non, non, Oui, non. non, mais en fait, C'est oui, pas je l'ai senti, je sais l'étincelle. pas. Y a plus le côté radio ou le côté, je sais pas. Oui, je vois de quoi tu veux parler, genre. Peut-être On plus la arrête magie du d'enregistrer ou début, en pas? fait. Non, non, en vrai, j'aime bien la discussion qu'on a là. Genre, ouais, Ah, ça ok. serait stylé de la mettre dedans. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Genre, justement, faire rentrer les gens dans le petit. Ça rendrait ce petit podcast encore plus particulier, tu vois. Ah Parce que ouais, s'il est pas pourquoi pas? top, autant le rendre en particulier. Au moins, ça D'accord. fait. Genre, c'est une jolie Non, merde, mais elle est par particulière. exemple, là, tu vois, enfin, on n'a pas fait de, on fait de moins en moins de, D'impro. non, pas d'impro, mais de situations qui pourraient être drôles en fait. En fait, faudrait peut-être plus penser notre petit podcast, genre comme un. Comment on appelle ça? Un truc d'impro, genre on prépare des thèmes à Non, ouais. l'avance et après on essaye de les improviser sur le coup. Ou je sais pas, enfin je propose ça. Non, Genre je un peu pense comme. pas. Faut préparer en fait. Je pense qu'il faut préparer. Mais qu'est-ce que tu voudrais préparer en fait? Je vois pas. Genre un peu Et comme. Un peu comme j'avais il fait faut avec faire un Zoro truc. et Bernardo, tu sais, genre dans l'épisode 2. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, mais pas que ça. Ou alors on parle de vrais trucs parce que là en fait on parlait que de. Je sais pas, on a parlé que de. Qu'est-ce qu'on a des trucs de. Enfin, qu'est-ce que t'entends par parler de vrais trucs? Enfin, quand on Bah, en pense qu'on fait, a là, je déjà fait trouve. ça. Enfin, en fait, je sais pas. En fait, c'était pas mal, en fait, les idées que. Mais je sais pas. Ouais, ça a pas marché aujourd'hui. C'est. Ouais, c'est bizarre. Mais attends, mais genre, par exemple, qu'est-ce que Peut-être t'entends juste par le genre. mood. Ouais. Mais ça se trouve, en fait. Enfin, enregistrer le dimanche soir, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait. C'est juste Ouais, ça. il y a peut-être de ça aussi. Ouais. C'est vrai que là, en plus, je suis dans un moment ultra bizarre. Parce que genre il n'y a pas mes parents Pourquoi? en ce moment chez moi. Ce qui fait que genre. Et genre j'ai l'habitude d'avoir mes parents, ce qui fait que genre là, comme ils sont plus là, j'ai l'impression genre d'être dans une sorte de truc ultra bizarre. Parce que normalement, genre par exemple, ma mère rentre le soir, et genre vers 19h ou vers 20h, tu vois. Ce qui fait que je sais que genre c'est à peu près à ce moment-là où j'arrête d'être sur mon ordi et que je vais me coucher ou un truc comme ça, tu vois. Et ce qui fait que là, le fait Ouais. que genre ma mère rentre plus et qu'il n'y ait plus mes parents, ça fait genre. Je suis dans un truc de. Eh, ça continue à l'infini, en fait, le fait d'être sur. Enfin, c'est fait très bizarre. Ouais. Ce qui fait que je suis dans un bout très bizarre en ce moment. Enfin, bref, pas très intéressant. Mais voilà. Si, Mais c'est oui, intéressant. la magie ne marche plus vraiment. Non, C'est pas c'est pas vraiment qu'elle celui-ci. marche plus. Non, non, mais elle Putain, marche j'ai plus pour l'impression cet d'arriver à épisode. la fin d'un couple là. Coach, je pense Non, que non, il y a la plein de vagine trucs à explorer. fonctionne plus. J'avoue, c'est ça, on La sépare, putain. séparation, ça va être Non, mais ouais. Écoute, il n'y a plus de magie entre nous. Ouais, je crois Tu qu'il m'excites faut plus qu'on comme au s'arrête là. début. Je suis plus bandante. Ouais. Attends, je voulais dire un truc. Putain, il y a mon chat. Est-ce que t'entends mon chat qui miaule là? Alors déjà, en fait, je vais faire un message au cas où, en Message. fait, au cas où pour le montage, au cas où je verrai Vas-y. quand je le monte. Alors, le podcast qu'on a tourné aujourd'hui a été un peu pas terrible en fait, hein, on s'est rendu compte de ça en étant pas drôle tout simplement. Du coup, on a décidé, enfin, on a commencé à se poser des questions sur ce qu'était le petit podcast. Et Le mec, il n'y a pas besoin d'introduction. Genre, elle a été déjà faite naturellement, en fait. ouais, parce que peut-être que je vais couper tout en fait le début. Mais genre, si tu laisses le bureau, genre, tu coupes un peu le début du bureau où je fais le speech, tu passes un peu ce moment-là, tu mets genre juste la fin qui est assez drôle, et là, ça peut introduire au machin, tu vois. Laisse-moi faire. Ok, vas-y, fais-toi J'ai dit plaisir. au cas où. Ouais, vas-y, je te fais confiance. Je suis désolé de t'avoir coupé. Et donc voilà, là on a commencé à un peu parler de ce qu'était le petit podcast et un peu de réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, quelles sont nos aspirations dans le podcast et je pense que ça peut être un bon sujet en fait de podcast. Juste un sujet de podcast. Et peut-être ce sera le podcast, l'épisode le plus court. Attends, Ça genre va tu veux bien. mettre genre juste notre discussion? Ou genre Ouais. je... Épisode où on parle de ce qu'est le petit podcast. Ouais. Mais au final on n'a même pas fini notre discussion en fait. Bah, c'est parti, on la reprend. Serait marrant de mettre genre ce moment-là, mais genre sans l'avoir monté. Genre on laisse le moment où tu fais genre deux fois l'introduction, tu vois, enfin deux fois la... Tu vois, enfin le moment là où je parle en ce moment, tu vois. Genre limite sans couper, tu vois. Ouais, Bref, allez, on fait j'ai. ça. Ce qui fait Et qu'on ça coupe devient quoi? En le fait, on podcast coupe le plus long. complètement. Le plus long de finalement, en fait. Je dis, ouais, c'est sûrement le podcast le plus long. Mais en fait, c'est le podcast le plus long. Genre en fait, on laisse juste le rush de fin où on commence à déprimer sur notre Ouais, podcast. juste le rush. Juste le rush. On met juste tout le Mais pas le. rush. Non, pas, enfin, juste, il faut quand même couper genre à la fin du bureau, enfin, à la fin du truc, du pitch. Non, non, non. Non, je laisse Genre tout. tout, tout, tout, tout. Tout, tout, Absolument tout. tout. C'est drôle, mais à la fois, genre, faudrait que les gens arrivent jusqu'ici pour comprendre la vanne, en fait. Non, mais ils y arriveront pas. Et ce sera hyper méta. Et ce sera un peu Un peu, ouais, notre David notre Lynch. 2001, l'Odyssée de l'espace, tu vois. Notre Ouais, David Lynch, ouais. C'est un ouais. autre film. On sera les David Lynch du. Un truc Mais en hyper fait, putain, méta mais et. mec, en disant ça, on rend le podcast magique. Genre, ce podcast qui était pas magique et qui avait pas le feu, là, on le rend fire en fait. Je sais pas ce que je. Et là, je Et ça, ressens c'est la fou. magie un peu. Et ça, Ouais. oh putain, j'ai des Et frissons. J'ai ça. des frissons. J'ai des frissons, putain. Je pleure Moi, presque. Genre, ouais, c'est ouf. je viens d'éjaculer. Je dois pas dire. Non mais en vrai je commence à suer des jambes parce que là je sais que genre ce qu'on dit en ce moment-là ça va pas être coupé. Ça doit devenir un futur chef-d'œuvre du podcast. Putain. On l'étudiera plus tard dans les écoles de podcast. Ce sera attends un midnight mais attends pas movies mais un midnight À podcast. Midnight Podcast. Les gens qui seront arrivés jusqu'ici. Ouais attends faut leur faire un petit cadeau genre un truc Je genre y a pense que que eux qui pourront. vous pouvez aller sur notre site, faire une demande de vous dites, ouais, Vas-y. je suis arrivé, j'ai écouté Attends, il faut leur le donner un podcast code. jusqu'au bout. Genre un truc, un Voilà. mot à dire. Maintenant, bah on le donnera à un moment. Ouais, ou maintenant, tu sais quoi? Maintenant, on dit le Vas-y, code. attends. T'as une idée de code? Le code, c'est... Il n'y a pas plus envie que trouver un putain de code, genre éléphant. Le code, c'est éléphant. On va pas se faire chier. Ouais, on va pas essayer de trouver un mot drôle ou un truc de merde. Genre, c'est éléphant. Voilà, si vous avez Éléphant. éléphant, Vous bravo. allez sur notre site, Ouais, ou alors vas-y. vous nous envoyez un mail avec notre mail qui est dans la description, ou alors moi je crois que mes MP sont ouverts sur Twitter. Vous dites Ouais, moi aussi. éléphant, Ouais. éléphant, et vous aurez une petite surprise. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va donner comme surprise? Putain, mais merde, j'en ai aucune idée. Genre, on peut rien faire comme. Attends. Le Mais podcast le plus méta et le plus lynchien. ou sinon, on fait genre un deuxième podcast. Genre, on se crée. Ouh, attends. Si, si. Si, si, mec, j'ai des séquences qui ont été coupées au montage et genre. Qu'on avait dit qu'on donnerait sur un Tipeee si elle passait jamais. Ah Donc, oui, genre, c'est vrai. j'ai des séquences inédites de petits pandas, quoi. Et donc, on peut donner ça. On peut Tu donner vois? ça, mais en plus d'un autre truc, parce que bon, c'est un peu, ça fait, Ouais, on c'est se un la peu pète un pété. peu, genre, C'est on se la genre, vous pète avez un le peu. petit podcast, vous Le avez plus de petits égoïsé. podcasts. Attends, qu'est-ce qu'on Voilà. pourrait donner? Non. Un truc stylé. Ton EP en avant-première? Mon EP en avant. Faudrait d'abord que je finisse, mais. Mon Non, EP. c'est nul, Non, c'est nul. Faudrait que ce soit un c'est truc qui pété, c'est soit pété. intemporel. Une photo Ouais, de un mec. truc. Genre. Une photo de nous! Une photo de moi nu. Ah, de toi nu! Ah, je croyais de nous deux. Non, c'est. Enfin. Très. Ouais, moyen, moyen. On peut trouver Non, mieux. non, horrible, horrible, jamais de la vie. Oui, aussi horrible, et je suppose que tu veux pas le faire, mais même. Mais limite, je Attends. serais prêt genre à offrir un vrai cadeau, tu vois, parce que ce serait ouf si quelqu'un va jusque-là. Mais je pense qu'il y en a en vrai. Il y en a qui Genre, sont chauds. la La première première personne, personne. non. Ouais. La La première. Ouais, première comme ça, on lui personne qui envoie nous vraiment un truc envoie spécial. Ok. éléphant, Bah attends, moi je peux lui qui envoyer la nous enverra ton BD adresse, dédicacée. la Genre, mais il BD faut que la personne dédicacée. nous donne l'adresse, tu vois. Il faut que la personne soit Voilà, vraiment mais chaude. on lui demandera l'adresse, on lui demandera l'adresse. Son adresse, hein. Et moi j'enverrai C'est quoi? Ce sera une surprise. Je sais pas encore ce que j'enverrai. La personne me dira si elle veut un truc personnel de moi ou un truc. Voilà, peut-être j'irai à la Fnac Oui, acheter un t'as pas ticket. d'idée pour le moment, mais Voilà, mais je non, sais pas. c'est plus stylé que ça soit genre une création, tu vois, parce qu'un truc à la Fnac, c'est pété, en fait. Tu vois, genre, vaut mieux que Bah genre tu ouais, non, fasses c'est stylé, moi genre j'aimerais limite bien. une BD que t'écris, que tu dessines sur le cou et tout, tu vois. Une Genre, c'est. Nintendo Switch. Le premier, je lui achète une Nintendo Switch. Non, c'est mort, les gars. Mais il faut plus C'est genre une mort. création de toi-même, c'est ça qui est plus Ouais, cool, ok. c'est genre d'avoir vraiment un truc, Une genre. création personnalisée. Voilà, on verra, je verrai ce que c'est. Putain. On est en train de faire un petit podcast d'anthologie. Ça se dit Et d'anthologie? peut-être, essayez quand même, même si vous n'êtes pas le premier, essayez, Ouais. peut-être que je ferai d'autres trucs pour les autres. Ouais, mais après, ça veut dire Voilà. quand même envoyer plusieurs trucs à plusieurs adresses. Genre, En ça va vrai, nous donc coûter de vous aurez quand l'argent, en même. fait. Oui, bah oui. Ouais, donc on peut Mais pas non plus moi. faire des cadeaux à tout le Ah monde, non, quoi. moi je dis moi, peut-être j'essaie, Ah. j'enverrai d'autres trucs aux autres. Genre, si je suis touché, du fait que il y a moyen que genre, je sois touché et que j'ai envie d'envoyer d'autres trucs. J'ai envie que plusieurs personnes soient récompensées. Ouais. Donc, essayez, Donc envoyez. Enfin, de toute façon, un. vous aurez des moments inédits du petit podcast. Et Oui, ça, dans c'est tout. fou. Ah oui, dans tous les cas, oui, vous avez accès Voilà. aux offres numériques du petit podcast. Ouais, putain, c'est stylé comme truc. Mais par contre, genre, si on devient famous et que genre on commence à se recevoir des milliers de messages, faut genre mettre une. Non, il faudrait genre se faire mettre une date de péremption à Ah non, partir mais du 4, oui, genre. en gros, non, on fait jusqu'à 100. Jusqu'à 100 messages, on accepte. Les 100 Non, non, après, non, mais c'est genre une bon. date de péremption, genre par exemple à partir, je sais pas, on dit du 5 mars 2018, cette offre est périmée, tu vois. Allez. Pour éviter que, Quoi, genre, si 5 jamais mars? Mec, c'est 5 mars 2018. trop peu. On va pas devenir célèbre en si peu de temps. Non, non, mais oui, j'avoue, on va pas On va devenir avoir assez. zéro message. Bon, bah disons, Dans un en. an. Un an Dans après la un an. sortie de ce podcast. Ok, un an. Si vous écoutez ce podcast à partir d'un an, c'est-à-dire quand même pas mal dans le futur, j'espère qu'il y a des Non, voitures jusqu'à. volantes, mais surtout, j'espère que. Envoyez pas de message, en fait. Vraiment. Si on est en 2019 et qu'on est genre vers février ou mars, n'envoyez Envoyez pas de pas de message. message. Merci, Envoyez ce pas de sera message. gentil. On est sûrement déjà super famous et surcoté C'est et tout, hyper donc évitez, sûr que on peut non. pas. D'ici 2 mois, plus personne n'écoutera ce podcast. Est-ce que genre ils font putain mais les mecs ont même pas pris le temps de monter leur épisode, ils font chier, je vais me désabonner. Du coup, ouais, qu'est-ce que c'est le podcast en fait? Qu'est-ce que. Parce que Ouais, c'est un bon, médium on en est. fait qu'on. C'est enfin, C'est le un truc, médium c'est qu'il qu'on. y a des possibilités fous. Enfin, on peut faire tous les décors, tous les personnages, tout. Enfin, tout Ouais. ce qu'on peut pas faire au cinéma parce qu'il n'y a pas assez d'argent, on peut le faire dans le podcast, quoi. Et ça, c'est dingue. Ouais, mais au-delà de ça, en fait, ouais, parce que toi, tu vois ça comme un podcast. Un podcast. Comment Genre. ça? En fiction, tu vois, Oui, un non, mais podcast de après. fiction, mais Ouais. une œuvre de fiction, mais non, mais même en simple émission, tu vois. Qu'est-ce qu'il n'y Qu'est-ce a pas. qui fait, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de, où est-ce qu'on a envie de Ouais. mener le petit podcast? Qu'est-ce qu'on veut Là, ça part partager? en brainstorming Ouais. sur ce que, sur la suite du petit podcast. Ceux qui seront allés jusque-là, ils auront du coup les. Des cadeaux et potentiellement quelqu'un aura une BD pour dédicacer avec ton Oui, nom. non mais au-delà de ça, je dis, ils auront les prémices du coup de ce que va devenir Petit Ah Podcast. oui, bah oui, ouais, putain. Mais qu'est-ce que va devenir le petit podcast, quoi? Bah le Petit Podcast. Mais c'est ça en fait, qu'est-ce qu'on veut du Petit Podcast? Mais ouais, mais genre, en fait, j'en ai aucune idée, tu vois. Même si tu me demanderais, par exemple, sur Petit Pied, pourquoi je fais Petit Ouais. Pied? Je sais même pas si je vais, à part, genre, je sais pas, une envie de créer, mais genre, je serais même pas capable de dire précisément ce que je cherche, en fait, avec Petit Pied, tu vois. Avec les dessins, avec la vidéo et tout, tu vois. C'est compliqué à définir, en Ouais. fait. Mais Non, mais si, parce que tu vois, il y a toujours un truc, c'est juste que là, le podcast, on s'y est mis dedans, genre vraiment, en 20 secondes, on s'est dit, allez, le podcast, ça monte, là, c'est le moment de se lancer dedans, là, vite, vite, sinon, on va finir dans la masse. dans la plèbe, la plèbe du podcast. Même si, en soi, on a été parmi, on n'a pas été. Parmi les pionniers, mais on a été quand même un peu avant la vague de podcast. Ah bon, il y a une vague là en ce moment de podcast. Ah oui, il y a une vague. Ah bon, On a ah été oui, un peu c'est avant la vrai, vague. On est arrivé un peu avant la vague. Ce qui ouais. fait Ouais. qu'on est un peu On est des bons finalement surfeurs. on est un peu les Thomas Gauthier du podcast, parce qu'on restera à jamais, je pense, inconnus. Mais Thomas Gauthier, il est. Enfin, il est en Il a fait, je sais pu. pas, il est très bizarre. Il est à la fois très connu et à la fois pas du tout connu. Enfin, je sais pas, avec un double truc. Non, il est pas connu. Il Bah, est pas vu tu en vois, tout il cas. tourne quand même avec Cyprien, tu vois, genre, c'est pas non plus n'importe qui, Oui, parce quoi. que c'est un des pionniers. Ouais, oui, voilà, oui, c'est ça. Mais on n'est pas du. En vrai, on n'est pas du Enfin, tout c'est. Non, pionnier. on n'est pas des pionniers. On est arrivé très très en On n'est retard, pas. en vrai. Non, mais c'est pas un des pionniers, mais c'est un des. Oui, il était là au début, quoi. Ouais, mais on est même mec, on n'est Ouais. pas du tout des pionniers du podcast, je sais pas pourquoi tu dis ça, en fait. On est arrivé quand même très en retard. On serait arrivé à peu près en Mais même temps que on n'est Rivière à pas des Détente, je pionniers, comprendrais. évidemment. Mais Mais oui, on Rivière à est Détente, peut-être. c'était juste un an avant nous, non? C'était plus. Peut-être plus. En vrai, ouais. En tout cas, si on continue. En fait, le truc, c'est surtout si on continue ce podcast, on va devenir des pionniers. Pour le moment, on l'est pas vraiment, tu vois. C'est Non, mais surtout tu si vois, on continue. c'est comme si, tu vois, même si les pionniers Norman en vidéo, Norman, Hugo et tout, ils ont commencé en 2007, 2006, Cyprien, tu vois, il a commencé hyper tôt. Pour moi, avant 2011, c'est les pionniers. 2011, ça a été la grosse vague. Ouais, ok, ouais, je vois ce que Et tu veux. de Oui. 2017, en gros, 2017, je pense, genre, Oui, c'est vrai que c'est en fait ça. c'est on est un peu au moment Voilà. de la En fait, on monétiser un est dans la peu. grosse. En fait, on est dans la vague, en fait. Ouais, mais en fait, genre, c'est un peu, on est, je crois qu'on est à peu près au même moment que quand YouTube commence à monétiser. Là, en ce moment, les podcasts commencent à devenir rentables, tu vois. Et je crois qu'on est à peu près à ce Ouais, moment-là. mais je crois qu'on a très mal choisi notre moment, parce que c'est vraiment juste après qu'on ait commencé que ça a commencé à devenir un peu plus pro, les podcasts. Ouais, donc vraiment, on reste un peu en dessous. Enfin, bref. Ouais. La vraie question qui est intéressante, parce que savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est, on s'en fout. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, c'est ça la vraie question. Au fond, la question Ouais, voilà. Alors, artistique de création. la question artistique. Après, j'ai plein d'idées de podcasts. Par Bon, en exemple, vrai, on peut. j'ai. Vas-y, Ouais. dis. Non, vas-y, dis. Moi, j'ai une idée. Mais ça, c'est un podcast que je vais peut-être faire avec quelqu'un. Bon, j'en dis pas plus. Voilà, j'ai Étant donné que ça des sera pas contacts monté. dans le Oh, milieu du yo, podcast. Oui, mais ça oh sera dans l'épisode quand même, hein. Personne n'ira jusque-là, de toute façon. Pas de soucis. À Mais part monsieur ou j'aimerais madame bien. éléphant. Ouais, à part ce. Mais arrête de répéter, parce que faut pas qu'on répète trop, parce que si on le répète trop, les gens Comment ils vont ça? peut-être tomber au hasard dessus. Faut vraiment qu'ils soient Ah tombés en ouais! écoutant. Faut pas qu'ils Putain, soient mais tombés merde, en au disant hasard. ça, on se nique un peu, mais ouais, je vois l'idée, ok, je me tais. Ouais, bah. Il s'est rien passé Qu'ils dans écoutent tout le le. podcast. Voilà, non, il s'est rien passé de spécial. Cherchez pas, cherchez pas. Cherchez pas, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas de, vous ne méritez pas. J'en étais, ouais, Vas-y. moi j'ai une idée de podcast, tu vois, c'est un truc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en fait, c'est le brainstorming. J'aimerais bien en fait faire un podcast où à chaque épisode par exemple, on essaye d'écrire, alors premier épisode, tu vois, une comédie française avec Danny Boone, tu Ouais. vois. Genre à chaque fois Deuxième avoir une sorte épisode, de. on fait un. On écrit un Ouais, film de ouais. genre. Ouais, ça Voilà. serait Et stylé. ça est. Ouais. Et Ouais, ça me pour plaît le coup, bien. là, c'est vraiment. Ça s'applique. Enfin, ça s'applique bien au monde du podcast et tout. Donc voilà. Sinon, j'avais pensé, mais je t'avais dit. Ouais, Des vas-y. interviews de personnages fictifs. Donc. Oui, tu m'en avais parlé. Voilà. Et ça, je trouverais ça hyper stylé. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu faire du petit pied chaud. Enfin, ce que je fais avec le petit pied chaud, genre le petit pied chaud, en gros. Enfin, moi, de la manière dont je vois le truc, c'est genre, j'ai une vidéo que je suis obligé de faire toutes les semaines, mais dedans, je peux à peu près introduire tout ce que je veux dedans, en fait. Je peux faire à peu près toutes les merdes du monde que je veux. Ce qui fait, si j'ai une idée, genre, de vidéo bizarre, je peux l'introduire dans le petit pied chaud. Et genre, ça Ouais, voilà, serait. c'est ça en fait. En gros, l'idée, ça serait pas mal de. Ouais, en C'est fait, tester ouais, le petit pied d'autres chaud du formats et. podcast. Bah, c'est le petit podcast finalement. En fait, ouais, de se Le permettre, petit genre. podcast chaud. Non, mais genre, surtout de se, genre, se permettre, vraiment, genre, si on veut, genre, faire un petit podcast qui, genre, de A à Z, ne ressemble à aucun autre petit podcast, en fait. Vraiment, on n'a pas d'introduction, on n'a pas de Comme fin, on celui n'a qu'on est en pas. train de faire actuellement, hein. Ouais, voilà, en fait, vraiment, être plus dans un truc d'expérimentation et de. Ouais, on fait ce qu'on veut, on est des thugs, on est trop Ouais, créatifs c'est pour ça, vous et on tout, tu pourrait vois. faire un. On pourrait être les Solange te parle du podcast. Oui, mais encore, selon je te parle, tu vois, c'est assez. Oui, mais dans l'idée, oui, je vois ce que tu veux dire. Même si c'est assez cadré, genre, vraiment, par exemple, on pourrait faire genre un épisode, tout qui est déjà scripté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, se permettre tout et n'importe quoi. Tu Quoi? J'ai pas vois? compris. Genre, vraiment, genre, par Ouais? exemple, faire, par exemple, je sais pas, genre, le prochain petit podcast, on dit, il est genre 100% scripté. Genre, c'est genre comme une. Comment on appelle ça? Putain, j'ai oublié le truc d'Antoine, Daniel et Cyprien. Une Ouais. fiction audio, voilà. Genre faire une fiction audio. Genre comme ça, mais sans Ouais, ok, sens et ouais. sans Ouais, je suis introduction au archi truc, tu chaud. vois. Genre Je suis vraiment, archi genre. chaud. C'est En un fait, terrain de. d'expérimentation, en Ouais, fait. voilà. Ne Le plus en premier faire, genre, juste podcast une sorte de expérimental. rivière à détente en moins bien, mais en faire un terrain d'expérimentation. Et à la Et fois là, tu aussi, si on vois, veut. Si on veut faire un rivière à détente. Ouais. là, faire des podcasts, ça commence à m'exciter. Ouais, là. Là, j'ai pas la trique. Parce que ça ne m'excite pas sexuellement, mais j'ai la trique mentale, en tout cas. Ouais, Ouais. moi aussi. Et là, ça pourrait être grave stylé. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ok, bah on fait Et ça. ouais. Putain. Mais il n'y a rien Parce qu'on d'autre à dire, je crois. on a défini. Mais si, il y a plein de trucs à dire. Oui, mais il y a. Enfin, le truc à dire, c'est surtout à faire maintenant, en fait. Maintenant qu'on a dit ça. Oui, mais même on peut continuer à philosopher sur Bah, le je sais pas, parce que médium. moi j'ai tout donné là. Je suis vide. Je suis complètement vide. Mais vas-y, si t'as envie de Ah, me t'es vide. remplir. T'es vide. Bah oui, mais pour continuer dans le parallèle, je ne sais pas où va ma phrase en fait actuellement. Non, mais c'est fou. C'est exactement ça. Ah, je suis en train de me dire, ouais, c'est bien. Merde, on va peut-être niquer le podcast game là en fait, ou peut-être en fait absolument Non, pas non, et non, puis non, vraiment. non. Non, vraiment, je pense que Non. c'est. Même s'il n'y a personne qui nous écoute, tu vois, même s'il y a. Ouais, Tu c'est vois, stylé. c'est un Pour truc notre estime que je me personnelle. suis. Tu vois, c'est un truc que je me suis toujours dit. Je préfère Vas-y. avoir 30. Tu vois, Ouais, non, en fait, enfin, ça n'a aucun intérêt ce que je voulais dire. Ça n'a aucun rapport, en fait. C'est Ouais. vraiment aucun rapport. Bah vas-y, raconte, de toute façon, je crois qu'on a à peu près trouvé ce que va devenir le petit podcast. Mais vas-y, dis ce que t'avais à dire. Autant parler d'autre chose. Ouais, bah en gros, moi, si je faisais des films, enfin, quand je ferais des films, je vais pas dire si parce que je ferais des films. Ouais. Faut avoir de l'ambition dans la vie, les enfants. Tu vois, je préfère qu'il y ait 30 personnes qui aiment ce que je fais. Mais parmi ces 30 personnes, ces 30 personnes sont toutes différentes. Genre, pas le même milieu social, pas la même couleur de peau, pas les mêmes orientations sexuelles, pas le même origine. Enfin, Ouais, voilà. différent quoi. Voilà. Plutôt que genre, il y ait 100 personnes qui aiment bien ce que je fais. Ou même peut-être 100 000, disons, plutôt que 100 000 personnes qui aiment ce que je fais, mais que ce soit tous que des petits bourges, ou tous que des prolos, ou tous que Et pourquoi tu cherches cette différence des en fait? amecs. Enfin, si, Parce enfin, que je pourquoi tu pense que désires cette différence quoi? c'est beaucoup plus représentatif de si tu fais quelque chose qui est bon, Que qui ça est touche plein de gens en fait. objectivement bon, ça fait que forcément, genre, il faut que les personnes qui aiment, elles soient hyper hyper variées. Alors Et que si, attends, tu vois, éclectique, tu peux dire, si tu éclectique, peux voilà, voilà. tu dois avoir un public éclectique. C'est une petite théorie que j'ai faite. Bah, Voilà. personnellement, je suis pas vraiment d'accord, mais enfin, parce que tu peux aussi faire genre des trucs complètement de niche, tu vois. Tu vois, genre, enfin, ça peut être... Après, c'est genre, ça dépend, en fait. Non, je suis pas. Si je suis d'accord, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Moi, personnellement, je m'en fous un peu des personnes qui me. Enfin, non, je m'en fous pas des personnes qui me suivent, mais je m'en fous de leur diversité ou pas, en fait. Pour moi, c'est pas un critère important et pas un critère de jugement par rapport à mes travaux, en fait. Mais après, si, Ouais. Ouais, si pour toi c'est ouais, important, ouais, ouais. genre legit. Ouais, Voilà. voilà. Mais en fait, le truc, c'est que. Bah après, je pense que c'est impossible à faire ça. Parce que De y a, quoi? y a les, bah, à atteindre des publics hyper variés. Parce que. Mais déjà, rien qu'en étant sur Internet, tu te fermes un certain public, tu vois. Genre, Bah forcément, oui. en fait, à chaque choix que tu Forcément, fais, tu te fermes un peu public. voilà, toi-même, tu fais partie d'un public. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est qu'on fait nous-mêmes partie d'un public en tant qu'être humain. Et que forcément, ce qu'on fait est régi par des institutions et Ouais. on a nos influences en fait, et forcément, ce qu'on fait est régi par ces influences. Ce qui va du coup pouvoir être compris que par les gens qui ont ces influences aussi, ou plus ou moins quoi. Oui, forcément, t'es oui, tu Et en oui, soi, tu oui, par je exemple, comprends ce que tu veux dire. quand tu crées quelque chose, t'as forcément, par exemple, si tu fais un roman, tu Ouais. te crées une image mentale de ton lecteur type en fait, et t'écris pour lui. Ouais. C'est pareil en soi, ça marche dans l'autre sens hein, quand par exemple moi je vais voir un film de Quentin Dupieux. J'adore Quentin Dupieux hein, j'ai dû le citer 14 millions de fois. Je pense que les gens auront compris que j'adore Quentin Dupieux. Je crois que c'est clair. Quand tu vas voir un film de Quentin Dupieux, tu te fais une image mentale de comment écrit Quentin Dupieux, comment il réalise, et tu t'attends à quelque chose, tu mets une attente dans ce que tu vas voir. Ouais. Ce qui fait que forcément, s'il ne se respecte pas lui-même, tu vas être Ouais. déçu. Et tu vas trouver Ouais. ça mauvais, alors que c'est pas mauvais en fait, c'est que t'es pas le public. Ouais, mais en fait, pour faire un Tu truc qui vois? touche plein de Ou personnes même, enfin, ou différentes. même, genre, ça se trouve, t'es le public, mais genre comme tu t'attendais Oui, à tu quelque chose en t'es. fait. Oui, après, ça, c'est Je sais un pas si autre tu truc vois. de l'attente et de pas avoir ce qu'on veut. Ouais, Mais ouais, ouais. au final, en fait, pour toucher. Pour avoir un genre un public qui est vachement divers, enfin, il faudrait faire un truc ultra particulier. Enfin, pas particulier, justement, genre qui parle à tout le monde. Mais en même temps, qui parle. Enfin, Et ça serait justement, super moi, je difficile, quoi. pense que pour faire un truc divers, enfin, qui atteint des Enfin, qui touche à publics, un public divers, ouais. voilà, faut faire un truc qui ressemble à rien que de ce qui existe déjà. Et c'est en Ah, mais ça c'est que je pense que impossible à c'est. faire. Voilà, c'est en ça que je pense que c'est genre l'œuvre parfaite. C'est que c'est quelque chose qui vraiment ne reprend aucun des codes et qui recrée totalement à partir de zéro. Ouais, et qui pourrait donc potentiellement parler à tout le monde, étant donné que ça suit aucun Voilà. code. que personne pourrait dire Voilà, ah ça c'est me parle, ah comme ça me parle finalement pas. le tout premier Ouais. film. Le tout premier Enfin, film, il n'y avait il y a aucun pas eu code, tout les gens premier voyaient film, ça, mais ils étaient ouais. là, waouh! Ouais, donc ouais. C'est le tout premier film. Mais donc C'est quelque ça veut chose de dire, tout nouveau. ça voudrait dire d'une certaine manière que pour faire un truc qui touche plein de personnes diverses, faudrait faire un truc qui soit autant artistiquement nouveau, mais aussi techniquement nouveau en fait. Parce que rien que par exemple, si tu Pas choisis de faire du forcément, cinéma, forcément. Techniquement non mais. nouveau, techniquement nouveau. Bah, le truc c'est qu'en fait, si tu choisis, par exemple, genre je sais pas, tu fais du cinéma, ou si tu fais des Ouais. livres, ou si tu fais des vidéos sur YouTube, juste en choisissant ta technique, tu te, enfin tu t'éjectes du public. Donc si tu fais quelque chose de nouveau, qui soit pas trop, je sais pas, numérique pour pas éloigner par exemple les vieux, ou pas trop un truc spécifique, tu vas forcément attirer l'attention de tout le monde en fait. Tu vois, faut qu'il y ait la nouveauté pas que dans la créativité en fait, je crois. Parce que Ouais. comme tu vois par exemple le cinéma, c'était nouveau. Bah, enfin, la technique aussi était nouvelle, donc ça pouvait parler à tout le monde. Même si ça parlait Oui, surtout aux voilà, riches qui voilà. avaient le temps d'aller au cinéma, mais. Bref, Non, tu vois l'idée ah quoi. non, pas du tout, pas du tout. Ah Le bon? cinéma, à ses tout débuts, c'était pas du tout pour les riches. Bah, C'était je sais même au pas. contraire pour les classes populaires. Ah oui, parce qu'ils pouvaient pas aller au C'était théâtre et que c'était. c'était Ouais. voilà, ça c'était diffusé dans les foires. C'est un art très bon marché finalement, enfin. Ouais, au début, oui, Bref. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Donc au final en plus donc ça touchait pas les classes enfin si ça cache ça touchait les classes populaires ça touchait pas les classes hautes enfin bref dans Et justement, en l'idée fait, je crois que le cinéma, à ses tout débuts, il touchait les deux, enfin, il touchait tout le il monde. Et touchait c'était tout ça, c'est en ça que c'était quelque chose de mmh. très populaire, parce que il y a les classes supérieures se sont emparées pour faire des choses à leur sauce, les classes Mmh. populaires s'en sont emparées pour faire quelque chose à leur sauce. Et en fait, voilà, c'est en ça que le cinéma, c'est un art un peu universel. Mais en même temps, enfin, selon les codes Parce que que tu empruntes dans ton t'avais les. cinéma, tu vas parler à une certaine classe aussi. Tu vois. Voilà, mais là on part vraiment au débat de ouf. Ouais, de ouf. Non, mais Alors que par vraiment, exemple, on tu va être vois, sur. t'avais à l'époque, t'avais le cinéma qui était diffusé dans les fêtes foraines. Là, vraiment destiné pour les prolos, les prolétaires. Ouais. Et t'avais le cinéma d'avant-garde qui, là, était pour les intellectuels et les gens. Ouais. Cultivé. Hein? Ouais, tout à fait. Enfin Alors que. bon. Mais en fait, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout. Oui, C'est non, pareil pour oui, tous les c'est. arts. Hein. Tous les arts, oui, Mais c'est en bien, tout cas, forcément. et c'est ça qui était beau avec les tout premiers films, c'est qu'il n'y avait pas du coup cette différence Oui, au tout tout pour débat, au les. tout tout début, Au quoi. tout début, il n'y a pas cette différence parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Et Et donc il n'y a pas encore eu la segmentation. La personne qui va intellectualiser la chose, elle va voir des choses intellectuelles dedans. Et la personne qui ne va pas, elle va voir juste le côté, enfin, les côtés qui lui plaisent Ouais. dans le truc. Elle va pas y voir encore toute la construction sociale qui va se créer à travers le temps quoi. Et qui va segmenter enfin, la technicité et la Non, mais créativité quoi. c'est pas ça l'idée, c'est pas ça le Comment truc, ça? c'est que. C'est quoi le C'est truc alors? à travers l'œuvre elle-même, juste pas forcément dans l'histoire de ce que va devenir le médium, mais plus à travers l'œuvre elle-même, personne peut, enfin, un public peut avoir Et y visions, projeter différentes différentes visions. choses. Ouais, D'ailleurs, ça c'est une vraie question, c'est quoi la hein. question? Vas-y. Qu'est-ce qui fait le sens d'un film? Est-ce que c'est le film en lui-même qui apporte un sens et il n'y en a qu'un seul, le machin? Ou alors c'est le spectateur qui, à travers sa vision, en fait. Ouais, c'est le créateur ou c'est le spectateur? Voilà. Mais ça, c'est ce que disait, de toute façon, Karim Debbache, il l'a dit dans une chronique. Je crois qu'il avait dit, nos On yeux sont des projette. écrans, nos yeux sont Oui, des projecteurs ou je sais pas quoi. et on projette ce qu'on veut voir dans le film, quoi. Voilà, on projette Donc ce qu'on si veut on veut y voir. voir un Nous nanar, on sommes va y voir un les nanar. projecteurs. Oui, Voilà, voilà. c'est ça. Donc si on veut y voir une erreur et on veut y voir un mauvais film, on va y voir un Voilà, mauvais et en film. fait, c'est une vraie question. Moi, j'ai eu des cours là-dessus à la fac. Il y a des chercheurs qui font des recherches là-dessus. En gros, Ouais. t'as deux écoles. T'as la sémiologie et le pragmatisme. Le pragmatisme va te Ah dire que oui, le attends, ça me sens dit un est dans le truc. film. Je crois que j'attends, j'avais. Ouais. Enfin, désolé de te couper, mais j'avais vu justement une vidéo dessus. Genre, mais sur le jeu vidéo, en Ouais. fait, justement. Genre, sur la question de est-ce que. Oui, c'est une vidéo qui s'appelle Est-ce que le jeu vidéo rend violent? Et il y avait deux approches, justement. C'était deux approches de. Soit on regarde le jeu vidéo en lui-même, genre par exemple Call of Duty, ça représente de la violence, donc ça rend les joueurs violents. Ou t'as la deuxième approche de comment en fait les joueurs vont s'attaquer au jeu. Et si tu regardes par exemple Call of Duty, bah les gens en fait c'est juste de la compétition en fait. Call of Duty c'est Ouais, pas du voilà, sang bah, ou de c'est la guerre. exactement ça, c'est Et t'as exactement deux ça. approches par rapport au truc. Attends d'ailleurs faudrait qu'on mette la. En vrai faudrait qu'on mette la vidéo en description parce qu'elle est super intéressante. Enfin faudrait que tu la vois. Enfin je sais pas si tu l'as vu. Écoute, note C'est là. un mec. Enfin on la mettra parce qu'elle vraiment J'ai elle est ouf. limite pas envie de faire de description pour cet épisode. Et bah vous y. Attends, faut juste que je donne le nom du VA, cette histoire que les gens trouvent. Je le trouve, vas-y, Ouais, continue à voilà. parler de tes trucs. Et en gros, voilà, c'est ça l'idée, c'est que tu as deux approches. Soit le sens est dans la vision du spectateur, soit le sens est dans le film lui-même. Et après, tu as des gens comme. Je vais pas donner de nom, mais. T'as des gens qui sont arrivés, là c'est plus récent, qui ont dit non, mais ça peut être un peu un mélange des deux. C'est-à-dire Alors que le nom de la chaîne c'est Game Spectrum si les gens veulent le trouver. Ah oui, mais Ouais. Game Spectrum, c'est génial. Oui et voilà et genre Games. dans ce truc attends c'est les jeux vidéo nous font-ils aimer la violence? Il approchait ces deux analyses, c'est Ah à non, peu près mais Game de ce que Spectrum, tu parles c'est. avec le cinéma en fait. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Bah, Game Spectrum, mais Game Spectrum, c'est un génie. Mais on Game est Spectrum, d'accord, là, allez voir ça. il a fait une vidéo là sur l'écologie et le jeu vidéo. Même sa vidéo sur la politique et le jeu vidéo, elle est géniale. Oui, c'est enfin il arrive à vraiment toucher des enfin à toucher d'autres thèmes par Il a le l'air jeu hyper vidéo et c'est cultivé. ça. Je trouve que c'est vraiment le Karim Debbache du jeu vidéo, sans la dimension humour, ce qui est un peu Ouais. dommage. Bah après c'est Voilà. enfin ça reste ultra intéressant. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est assez juste ce que tu dis. Je suis assez d'accord. Enfin bref. Donc c'est pas du tout le Karim Debbache du jeu vidéo. Finalement. Parce que, vraiment. Ouais. Bon, Voilà. est-ce que t'as fini ce que tu voulais dire sur les films? Ouais, bah si tu veux, on clôt Ouais, je crois que c'est le temps de l'épisode. clore cet épisode. Putain, Ah, merde, quel dommage. épisode! Genre, c'est l'épisode un peu plot twist du petit podcast. Un peu comme. Ouais. Attends, un Mais peu du coup, comme le. non, alors du coup, moi j'aimerais, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, j'aimerais qu'on essaye parce que j'aimerais qu'il soit long quand même, pour pas que les gens ils aient envie d'aller au bout. Et pour même pas que les gens ils aient envie de cliquer dessus en fait. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain épisode? J'ai envie qu'on y Bah. réfléchisse dès maintenant. Dès maintenant, mais le mec, ça va être super long si on y réfléchit dès maintenant. Attends, ouais. D'ailleurs, en fait, Non, me. non, non, mais on n'est pas obligé de mettre de tout dire, mais genre juste essayer de réfléchir à l'idée générale. Ouais, Comme t'as ça, ils genre un sauront à quoi s'attendre. brainstorming. Pff, bah, pendant que la Ouais, magie est voilà. là, faut en profiter, quoi. Bah, cet épisode s'appellera d'ailleurs Brainstorming. Non, il s'appellera. Non. La magie revient. Ou. Ouais, ou brainstorming, comme tu veux. Ou Je sais pas, j'aime bien. l'épisode. Ou L'épisode. le petit podcast numéro 9, le petit podcast. Le truc hyper méta, tu sais. C'est vrai que j'aime bien, je valide. Ou Ça, attends, c'est ouais, là. du. Ça, Lynch sera fier de nous. Lynch sera fier de nous. Il applaudit d'ailleurs, on l'entend de loin, il applaudit là. Il fait bravo. Là, il y a Lynch, Dupieux, Buñuel, voilà, qui sont en train de nous applaudir. Ah oui, oula, oh, ils sont beaucoup. Oh là là, oh, putain, ils Oh ont là, bien la ah chambre, ils merci, ont oh bien ça la. fait plaisir. Bah, bonjour. Moi, j'ai Lynch, toi, t'as qui? Moi j'ai J'ai le plus Quentin stylé, j'ai Dupieux. pris le plus stylé à un moment. Ouais, Ah. moi j'ai Quentin Dupieux, c'est un peu con pour toi quoi. Oh putain, merde. Est-ce J'aime qu'on pas fait trop les ta échanges? Non, musique, j'aime je bien suis Lynch désolé, aussi. mais voilà. Ouais, c'est un peu con. T'aimes pas la Mais musique moi. de Dupieux? Oh, c'est électro donc. Enfin bref, on n'était pas là pour parler ça, c'est le petit Est-ce que tu podcast. sais. Non, j'ai envie d'en parler. Est-ce que tu sais comment Vas-y. Dupieux est arrivé dans la musique? Vas-y, dis ton anecdote d'un télo qui sait tout de Dupieux, vas-y. Envoie la sauce, parce que j'en ai En aucune idée, gros. bien sûr. En gros, il avait fait un court-métrage, parce qu'à la base, il vient vraiment du cinéma. Il avait fait un court-métrage qu'il avait vendu à Canal, je crois. Ouais. Et il avait mis une musique de Pierre-Henry dedans. Je sais pas si tu connais Pierre-Henry. Non. C'est-à-dire que c'est des musiques un peu Attends, électro, non, ouais, non, je connais encore pas. plus expérimentales que la musique de Dupieux, de Monsieur Oiseau, du coup. Donc Ok. il avait mis une musique comme ça, et ils lui ont dit, mais est-ce que t'as les droits pour la musique? Lui, il était là en mode, je sais pas, non, enfin, faut que je demande des droits, ah bon, voilà. Et en gros, il a dû refaire une musique. Donc il a Ouais. acheté un synthé et tout, il a fait la musique. Ouais. Et Et c'est comme ça pour qu'il son nous a film. Et lancé dans la c'est comme ça musique. qu'il a acquis son premier synthé et il s'est lancé dans la musique. Et son gros hit, Flatbeat, il l'a composé en 2 heures. Putain. Voilà. C'est stylé. Donc c'est vraiment un mec qui n'en a rien à foutre de la musique à la base. Et même toujours aujourd'hui, je crois. Ça me passionne parce que vraiment j'adore sa musique, donc je suis vraiment très content de savoir cette anecdote. Voilà, mais non, mais c'est pour ça que c'est très bizarre sa musique. Parce qu'il n'y connaît rien, il fait pas de la musique de base. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ah, bref, attends, il faut qu'on finisse cet épisode avant. Enfin, si vraiment. Parce que même moi, je Oui, commence à du coup, fatiguer. brainstorming. Brainstorming, petit Brainstorming. podcast numéro 10. Mais on fait un petit podcast de 10 minutes. On fait la même chose que le petit Piéchaud. C'est les mêmes C'est idées. nul. J'avoue. Surtout qu'en plus, Parce qu'ils avec ont le fait un brûleux. peu 2027. Ah oui, ouais, ils avaient fait un truc bilan, Pour les 10 ans, putain, ça y est, moi je suis. Non, les 1 an de leur podcast, ils avaient fait un mini-épisode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain épisode? C'est vrai que c'est l'épisode 10, donc faudrait que ce soit un peu spécial. Ouais. Ou alors on laisse la surprise. Ouais. On peut laisser la Allez, on laisse surprise. la surprise. Comme ça, On on le. aura le temps de réfléchir chez nous. Parce qu'on Ouais, laisse. c'est. Du Putain coup, de merde. est-ce qu'on fait quand même les conseils à la fin? Ou on s'en bat les Les. couilles? J'ai rien à conseiller, perso. Bon, on a déjà conseillé Game Spectrum. On a déjà conseillé un truc tellement bien qu'ils sont obligés d'aller voir ça, tu vois. Genre, si on conseille d'autres trucs, Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont Game voir d'autres Spectrum. trucs et ils n'ont pas le droit d'aller voir d'autres trucs. Ils doivent aller voir Game Si, moi Spectrum. j'ai envie de conseiller quand même un truc. Mais attention, C'est la. il va se diluer dans Game Spectrum, donc ça risque. Faut vraiment que ça Non, soit de Game qualité. Spectrum, absolument aller voir. Et puis en plus, c'est un truc qui est beaucoup plus difficile à trouver que Game Spectrum. Donc, Vas-y, c'est quoi? c'est Community. Attends, la La série? série de Dan Harmon. Ouais. Mais c'est vachement connu. Pourquoi tu dis que c'est pas connu? Ah non, mais j'ai pas dit que c'était pas connu. Je J'ai sais pas, envie de t'as la dit que c'était conseiller plus parce que difficile vraiment. à trouver. La plus difficile à C'est plus trouver que Game difficile à Spectrum. trouver que Game Spectrum. Game Spectrum, tu vas sur YouTube, tu tapes Game Spectrum, voilà. Community, faut aller sur machin, Certains truc. sites, oui. Voilà, c'est plus difficile, quoi. Ok, oui, dans ce sens-là, je croyais que c'était Alors. moins connu. Enfin, bref. Non, Ouais. non, Bah oui, non. Game je valide cette Spectrum. série Non, aussi. Community, c'est vraiment. Genre, j'ai. Et anecdote marrante. Tu vois l'épisode des prisonniers qui arrivent dans la. Dans l'université. Mec, ça fait trop longtemps que j'ai maté cette En série, je gros, me souviens pas. ils sont sur des. Ils sont sur. Ils sont dans, par, en gros en FaceTime, en Skype, quoi. Et ils sont sur des petits machins à roulettes. Genre, c'est un écran avec une tige en dessous et sur un espèce de Segway qui avance Ouais, je vois l'idée. dans le bahut pour qu'ils puissent suivre les cours en restant chez eux à distance, enfin dans la prison. Et ben, à mon université, là, il n'y a pas longtemps, j'en ai vu un truc comme ça. De près de prisonniers. Non, non, de petits Segway avec une tablette au bout, un iPad qui fait en Ouais, FaceTime. mais c'était Et pourquoi c'était un qu'il y avait truc ça? vraiment. Mais j'en sais rien, j'ai pas demandé, mais genre, il y avait. D'accord. C'était trop marrant, j'étais mort de rire. J'ai vu ça, j'ai fait, mais putain, Community, quoi. Ah, Et ok, voilà. d'accord, ouais. Tout ça, ok, d'accord. Très bien. Community a tout inventé. Ouais. Bref. Le Donc truc qui est voilà, c'est fou. la fin de. Attends. Attends, Il y aura pas juste. de musique hein, dans cet épisode. Hein. Bah on peut Même faire pas au une début. musique à, on peut faire une musique à la bouche pour faire la fin. Ok. Mais attends, Ouais. juste avant de finir, en Ah fait, je ouais? viens de me rendre compte d'un truc, c'est que genre le petit Piéchaud, ça devient la même chose que le. Enfin, le petit podcast devient la même chose que le petit Piéchaud. Je sais pas, genre le petit Oui, Piéchaud bah c'est ce épisode qu'on avait dit. 5, je commence à faire n'importe quoi et je continue comme ça. Et avec le petit podcast, on est en train de faire la même chose. Et c'est fou quoi. L'histoire se répète. Enfin C'est vrai. bref. Genre, en fait, en plus, c'est vraiment exactement le même truc. J'avais un truc trop structuré pour le petit Piéchaud. Je l'ai complètement déstructuré. C'est la même chose. C'est fou. Enfin Après, on bref. va perdre plein de vues, Ouais. plein d'écoutes, comme ton petit pied chaud. Allez. Bonne vanne, je valide. Même si je les Bon. trouve mieux qu'avant. Merci, ça fait plaisir. Bah, moi aussi, c'est pour ça que je continue. Voilà. Bah, on vous dit au revoir les auditeurs. Au Au revoir revoir. les auditeurs et Et on c'est vous parti laisse. pour la musique à la Attends. bouche. On vous laisse sur cette douce musique de nos bouches. De nos bouches. Ignoble. Arrête de rigoler. Ah, oh. yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo, yo, c'est le rap du petit podcast. On a tout niqué comme si on était des Rackcast. C'est des Pokémon qui sont dans le jeu Pokémon qui est pas encore sorti. C'est pour ça que vous connaissez pas. Que tu connais pas, moi, comme si j'étais. Je n'arriverais pas à faire du rap sur si peu de beats. Chika, chika, chika, chika, chika, chika, chika, chika, chika, chika. Là, ça, là, c'est là qu'on, ça devient vraiment n'importe quoi. On fait que un podcast que sur ça, que des bruits de bouche dégueulasses.